takes a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild snap for spell. Here's another shot! Right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. Paul LeBan is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The Bears have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission qui chaque semaine vous parle de sport amateur, un petit peu professionnel aussi, de partout à travers le monde, mais beaucoup à Mauricie, on essaie de toucher le plus possible ici. À mes côtés, dans le coin gauche, pesant à peu près quoi, 160 livres, 150 livres? Ouais. Ouais? Mettons, je vais que 160. Ok, good, hey, je suis bon. Monsieur Pierre-Luc Giroux, ça oui, va bien ce matin? Ça va très bien, toi. T'as-tu pété le coccyx hier un peu sur la glace ce matin? Non, ça a bien été, failli. Failli, hein? Ouais, yeah, ouais, c'était dégueu, ouais, hein? Dangereux. Ah, écoute, j'ai failli me commencer à me construire un bateau puis à prendre un homme et une femme de chaque race pour me faire une arche. Tu sais, tu me suis? Non, plus ou moins. Ben oui, l'arche de Noé, là. Il y avait bien de l'eau, fait que tu sais, ça glisse. Ça... Oui. Ouais. J'ai mis mon Xbox, mon PlayStation. Tu sais, je vais les faire s'accoupler et je vais avoir la meilleure console. De... Allez, go! Fait que. Wesh. Ce matin, à l'émission, on vous parle de plusieurs choses. On va parler des Patriotes, bien sûr. On va parler Hockey Junior. C'était la fameuse suspension qui est tombée hier. Patrice Cormier. Saison, série. Bref, ce que j'avais demandé. Merci, M. Courteau et M. Cloutier de m'avoir écouté. M. Bauduc, plutôt, de m'avoir écouté. T'as pesé très fort. Oh, je sais. Je suis une tonne d'opinions. Hey, c'est bon, ça, comme j'aime ça, une tonne d'opinions. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a trademarké ça en quelque part, mais en tout cas. On parle aussi des Olympiques, football, on l'a dit en hockey junior. On reçoit M. André Gabias aussi, qui est le responsable du comité sportif qui a été fait ici à l'UQTR, qui va parler justement des Patriotes. Quel est l'avenir des Patriotes ici à Trois-Rivières? Je pense que le comité est là pour s'interroger à niveau de ça, voir ce qu'on peut mettre de l'avant pour que les équipes sportives de l'UQTR deviennent plus populaires. Donc, ça va être intéressant, très intéressant. On va recevoir monsieur vers 9h15, 9h20. On y va tout de suite avec les Patriotes. Allons-y, tout de suite. Ils étaient en action deux matchs la semaine dernière. Le fameux match contre McGill, on avait parlé beaucoup. Match de carnaval, match du 40e anniversaire des Patriotes. On attendait une bonne foule. C'était fait. T'étais-tu là, toi, Pierre-Luc? Non, j'étais pas là. T'as pas pu à toi, t'avais les activités. Ouais. 1000, selon la foule officielle, 1000 personnes, plus de 1000 personnes plutôt se sont présentées à la partie au Colisée de Trois-Rivières. C'est la plus grosse foule, en tout cas, me semble, depuis que je couvre les Patriotes ici. Probablement la plus grosse foule depuis des années, chez les Patriotes. 1000 personnes, il y avait de l'ambiance. Et ce qu'ils ont été intelligents de faire, c'est qu'ils ont mis tous les étudiants ensemble dans le carnaval. Fait que t'avais un coin qui faisait extrêmement de bruit, vraiment. C'était très, très fort. Beaucoup de filles. Ouais. Beaucoup de filles. Fait que ça criait pas mal plus aigu que normalement dans une game de hockey. Il y avait des instruments de musique, il y avait du stock, des mascottes. Vraiment, là, un très bon travail qui a été fait de la part de la promotion chez les Patriotes. Et disons-le, les gars de l'UQTR ont commencé très fort la partie. Quand t'arrives, t'es habitué de jouer devant 200 personnes à peu près. T'arrives là, il y a du monde, il y a de l'ambiance, t'es encouragé, ça te motive pas à peu près. Tu sais, prends un gars comme GS Breton. GS a joué à Québec, là. Québec, moyenne de foule à peu près par année, 10 000. Ouais, mais dans ce temps-là, quand il jouait pour Québec, c'était pas la même foule que maintenant, là. Ben, c'était pas aussi différent que ça, là, ouais, trois ans. Ben, il y a trois ans, c'était pas des 10 000, là. Je te dirais que ça a monté extrêmement. Ben, il y en a eu des 10 000, là. Ben, ouais, il y en a eu des 10 000. Il y a eu des 15 000 aussi, ouais, ouais, le Radio X prenait bien de la place dans le temps, hein, quand même. Ouais. Ben, il prenait bien de la place, c'est un grand mot. Là. Ben, il y avait des foules, de 7 000, 8 000 aussi au Radio X dans le temps, là. Ouais, ben, dans les bons matchs, ça, c'est des très bons matchs, parce que vers la fin, c'était plus. Ah, non, ben, il avait transigé, il était parti au pavillon de la jeunesse. Ensuite, c'est fort que vous autres, Québec, vous êtes passé de. Il n'y avait pas un aréna, là. Vous avez le pavillon de la jeunesse, puis toi, le Colisée qui était. Le pavillon de la jeunesse qui est très neuf, qui vient de le refaire justement. Ouais, c'est ça qui a été tout rénové, là. Ouais. Fait que, tu sais, passé de ça, je me rappelle dans le temps, les remparts, quand ils sont venus jouer à Beauport, les refaits. Ouais, ben oui. Les refaits dans le shed, puis après ça, ça se jouait au Peps. Ouais, t'avais comme une moitié d'aréna de. C'était ça le gros problème, je te dirais. Là. T'avais quoi, 2500 places, mais juste d'un côté, tu sais. Ils sont dit que maintenant on rentre 10 000. Avant, c'était 2500 personnes là, dans le PEPS. Aïe, aïe. Ouais. Une chance qu'ils ont changé de place. T'sais. Ah, mais tu sais, quand tu fais un bon marketing, ça paraît. Ouais. Donc, les joueurs très encouragés. C'est ça, mais comme je disais, tu passes des foules de 10 000, tu sais, quand ils jouent à Halifax, tout, à 200, 300 personnes. C'est un coup dur là, pour toi, là, pour ta carrière. Là. Tu réalises que. Ouf, peut-être que ben pas que ça tient à sa fin, mais que les beaux jours sont derrière, hein, tu sais, veux pas. Les gars étaient très motivés et ça a commencé très fort. C'est 4 buts en première période pour les Patriots, dont 3 dans les 11 premières minutes. C'est Chiquan qui fait son 5e à Stade Breton et Charland. Demers deux fois, Petit Richard, Blais Petit, Félix Petit, le nouveau, le nouvel arrivé, là, il va être fort, il est fort, là. Mais il va être tout un joueur pour les Patriots. Je vais te raconter sa semaine là, en deux matchs. Là. C'est assez surprenant pour un nouvel arrivant. Et Chiquan, à 13 minutes 13 en avantage numérique, vient faire la marque 4-0 après la première période. Deuxième période, on met Hubert Morin a chassé des buts. C'est Danny Miro qui s'amène pour McGill. Ça change absolument rien. Donovan, à 20 secondes du début de la période, fait la marque 5-0, un but à désavantage numérique, une aide à Bellefleur. Nicolas Désilet fait son troisième de la saison, une aide à Demers et encore Félix Petit en avantage numérique à 8-43. Bellefleur à 11-43, fait 7-0. Et Francis Charlin, son 15e à 17 minutes 42, des aides à Bellavance Martin et Breton, 8-0 après deux périodes. On parle de McGill, là, c'est la meilleure équipe au pays, meilleure équipe de la OUA, de la conférence, de démolir 8-0 après deux périodes. Là. Personne n'aurait prédit ça. Non. Là. Personne. Là. On s'amenait là, on espérait. On venait voir une game de hockey, nous autres. Là. Boo! Blowout! Toi, dégelé. Là. En troisième période, bon, ça s'est calmé un peu chez les Patriots. On est resté plus calme. McGill ont compté deux buts, Véropol et Doucet. Rien à crier au loup en tant que tel, dont un qui était à 19 minutes 28 de la troisième. Donc, il restait plus de temps. Jean-Christophe Blanchard a été excellent chez les Patriots dans les buts, stoppant 40 tirs en 60 minutes de jeu. De l'autre côté, Hubert Morin a été ramené en troisième période, qui est lui qui a fait face à 19 tirs. Danny Miro a fait face à 12 tirs, 4 buts en 12 tirs. Danny Miro, c'est pas la meilleure performance de sa vie, j'en suis sûr et certain. Lui qui a goalé à Québec, hein, Miro? Danny Miro, moi je suis sûr, ouais. Il a fini sa carrière à Joliette, par contre, avec l'action de Joliette. Mais, les tirs dans la partie, 42-31, les tirs pour les Redmen. Donc, les Redmen ont quand même, ils n'ont pas mal joué, là. Mais, les Patriots ont profité du gros jeu aussi. Ils n'ont pas eu des tirs, pas tout à des tirs menaçants, par contre, on tirait de loin. Les nouveaux arrivés en défense, j'ai adoré ce que j'ai vu d'Alex Lamontagne. Gros, massif, tasse le monde, de l'expérience aussi. Il a joué pro un peu dans l'IHL, dans la Ligue internationale. Ça paraît, ça va être une très bonne force. Dans la partie, Félix Petit, vois-tu là? Justement, j'allais te poser la question. Vas-y. Que penses-tu de Félix Petit? Trois passes dans cette partie-là. Tu vas voir contre Carlton vendredi aussi. Il a été encore plus actif. Donc, les étoiles, Jean-Christophe Blanchard, la première, Alexandre Demers, la deuxième, et Félix Petit, la troisième. Tout ça devant une foule de plus de 1000 personnes. Les joueurs étaient très, très, très heureux quand j'ai été les voir. Très heureux. Les coachs aussi. C'était pas Jacques Laporte qui était derrière le banc. Lui qui était suspendu pour un match. Donc, c'était... Ben là, il est aussi à la série Québec-Montréal. Je l'ai non. Vu. Ah, tu l'as vu? Oui, OK. Je sais pas, je peux écouter. Ouais, tu m'en parlais un peu tantôt de cette série-là. Quelles sont tes impressions? Je veux pas tout écouter ça pour être franc dimanche soir. J'avais d'autres choses à faire que. Ben, j'ai pas écouté au complet. Il fallait que je retourne ici à Trois-Rivières. Okay, donc, j'ai pas pu l'écouter au complet, mais j'ai écouté une bonne partie là, de la présentation de l'équipe de Québec. C'est bon, ça y est. On le sait, faut qu'il tu vas prendre. Mais c'est bon, tu me parleras de ça. On va aller écouter les commentaires de Jean-François Bridel, qui est l'assistant entraîneur, qui, pour la partie, agissait comme entraîneur. Ben, on a senti qu'après la défaite de 2-1 la semaine passée, c'est clair qu'on voulait leur livrer un message différent. Puis c'est clair que dans la préparation, on s'est orienté là-dessus beaucoup dans les derniers jours. Tout le coaching staff, là, on a mis vraiment l'emphase là-dessus. Puis écoute, c'est comme ça une game de hockey, on part fort, puis on capitalise en partant avec le rythme pour nous. Après ça, on a poursuivi sur notre lancée. Ben, écoute, depuis le début de l'année, dans ces matchs-là, il sort solide. Puis encore ce soir, il a su nous garder dans la game à 4-0. S'ils font 4-1, 4-2, la game est différente. Ça, c'est une grande vérité du hockey. Mais c'est clair que la façon qu'il s'est comporté ce soir, pour nous, c'est un atout de premier plan. Et c'était Jean-François Bridel, l'entraîneur en remplacement de Jacques Laporte, qui donnait ses commentaires. On va maintenant aller écouter ceux de la Cité, ben pas la Cité capitaine, le capitaine, et tu sais, ils ont deux capitaines, là, les Patriotes, là, dans le fond, donc le capitaine, un des co-capitaines, c'est le mot que je cherche, Nicolas Desilets, après cette victoire. Là, je veux savoir comment tu as vécu la partie, sa partie forte pour nous autres, qu'est-ce que c'est dit dans la chambre, c'était quoi le feeling? Ben, c'était notre premier match après Noël, le premier match à la maison, ça arrive en plein carnaval, je dirais que tous les gars, là, l'émotion était présente, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas senti une petite fébrilité, des petits papillons dans le ventre là, avant de commencer le match. Je pense que c'est ça qui nous a donné vraiment le boost pour commencer, pour commencer fort le match, puis après ça, on a continué avec le momentum, puis la foule était incroyable, là. Ils peuvent pas savoir comment c'est bon de les avoir derrière nous autres, là, si ça pouvait être de même à tous les matchs, là, c'est incroyable. Pour vrai, ça donne un boost de plus. Là. Vous avez intégré quelques nouveaux joueurs après le temps des fêtes. Qu'est-ce que tu penses de eux, Adal? Ça se mêle bien avec le reste de l'équipe? Pour vrai, la chimie se fait super bien. On était justement 7-8 jours en Europe. Ça nous a permis de tisser des liens, de connaître un petit peu plus les gars. Fait que le fait qu'ils commencent pas tout de suite ici à la maison avec les partisans puis tout, puis des matchs, mais qu'on ait le temps un petit peu à l'extérieur, comme en Europe, on a eu le temps de créer la chimie, de faire des activités ensemble, de connaître tout le monde. Là, je pense que ça a été un bonus pour nous autres. Là. Donc, Nicolas Desilets, à la suite de cette victoire contre McGill. Et alors, écoutez, Jean-Sébastien Breton, justement, qui a donné des commentaires, je pense, un beau petit speech. Il m'a livré un beau petit speech très intéressant à propos des spectateurs, des étudiants, suite à cette victoire. Si tu aurais à parler, mettons, aux étudiants qui sont venus à soir, qu'est-ce que tu leur dirais comme message pour qu'ils viennent? Ben, c'est d'abord un gros merci. Vous avez aucune idée comment ça nous encourage. Juste le fait de savoir qu'on a du support dans les estrades, que vous dérangez l'adversaire, ça joue sur le mental, vous étiez écœurant dans les estrades, ça nous a tellement encouragé, ça nous donnait du jus, ça nous a donné de l'ambiance dans l'aréna, c'est juste plus le fun pour nous autres, puis j'espère que vous avez aimé le spectacle, si on peut dire ça de même, là. Mais si vous êtes là à chaque partie, savoir qu'on a votre soutien, c'est merveilleux pour la fin de l'année, là. Jean-Sébastien Breton avec des beaux petits mots pour les partisans des Patriotes. Allons-y vendredi, c'était deux gros matchs, pareil, Carlton qui sont troisième dans la conférence, Patriotes qui sont deuxième, McGill qui était premier, donc deux gros matchs dans la fin de semaine. Ils affrontaient Carlton, c'était ce vendredi dernier, victoire des Patriotes 6-1 contre les Ravens, donc encore une grosse performance de la part des Pats. Qu'on profite, c'est 32-30 les tirs, donc on a vraiment encore profité de nos chances chez les Patriotes. Les marqueurs, c'est Bellefleur qui ouvre la marque à 4-20, c'était de Donovan et Jonka. Le seul but des Ravens va venir par la suite. C'est Manley qui fait son cinquième de la saison. Par contre, ça continue. Félix Petit, je t'en parlais, il fait son premier avec dans l'uniforme des Patriotes à 18 minutes 3 de la première. Deuxième période, c'est Richard qui fait son premier de la saison, assisté de Demers et Desilets. Alexandre Blais, son huitième. Francis Charland, son 16e de la saison en troisième période. Et J.S. Breton, son 12e. Les trois derniers buts, Pierre-Luc, là, les trois ont des aides à Félix Petit. Un but, trois passes pour le joueur des Patriotes, tout fraîchement arrivé. Tout un joueur, Félix Petit. Tout un joueur. Mais il jouait dans l'East Coast. Il a joué dans l'East Coast, ouais. Ça paraît. Pour jouer dans l'East Coast, il ne faut pas que tu sois mauvais comme joueur. Ça paraît, le gars a du talent. Partie très rude en deuxième période. Beaucoup de de pénalité. Écoute, les Patriots ont été 2 à 9 sur le power play, sur l'avantage numérique. Carlton 1 à 6, ça a bardé. On revenait à la réalité un peu chez les Patriots, seulement 234 personnes, ce qui est quand même une foule supérieure à la moyenne normale. Les étoiles, Félix Petit, la récolte de la première étoile, Alexandre Blais, la deuxième, et Jean-Christophe Blanchard, la troisième chez les Patriots. Donc au classement, c'est dans l'ouest de la UA, c'est Western qui est toujours premier, 36 points, Lakehead, deuxième avec 32 points, et Waterloo, troisième avec 31 points. Dans l'est, McGill, toujours premier, avec un match de jouer de plus que les Patriots. 17 victoires, 4 défaites, 34 points. Les Pats, deuxième, 20 matchs, 33 points. Carlton, troisième, 22 matchs, 27 points. Les Ravens qui se font rattraper lentement, mais sûrement par Toronto, qui ont aussi 27 points pour le Varsity de Toronto. Dans la Ligue, les meilleurs compteurs, vois-tu, Francis Véropol qui a été limité à un point contre McGill, seulement un but, toujours meneur. Le meilleur chez les Patriots, c'est Francis Charland qui vient au cinquième rang, plutôt 36 points en 19 matchs. Et au top 10, le top 10 date de mercredi dernier, donc on n'a pas entré les deux victoires des Patriots contre les gros clubs cette semaine. UNB, classement canadien en passant. Top 10 canadien, UNB, premier, Alberta, deuxième, Western Ontario, troisième, Acadia, quatrième, McGill, cinquième. Les Patriots sont sixième. Je m'attends à ce que les Patriots montent, cinquième position probablement, tout dépendant de ce qu'Acadia a fait. Ça va être très intéressant. Au soccer, allons-y avec le soccer, les Patriots. Ils étaient à Laval ce dimanche dernier pour affronter le Rougéard, très puissant, les Rougéards. Ça n'a malheureusement pas été un succès chez les hommes comme chez les femmes. Chez les femmes, c'est une défaite de 2 à 0. La défaite va à la fiche de Isabelle Sénécal. Chez les hommes, eh bien, Pierre-Luc, c'est une défaite aussi de 2 à 0 contre le Rougéard. Philippe Gendron et Vincent Guéconté ont tous les deux accordé un but, donc on a changé de gardien pendant la partie. Chez les Patriots, dans les classements, toujours pas de victoire dans cette... C'est du soccer intérieur, là, pour ceux qui ne sont pas au courant. Chez les femmes, toujours aucun point. On est en sixième position. Concordia et Bishop non plus n'ont pas encore amassé de points. Chez les hommes, sixième position aussi sur cette équipe et non pas contre sur huit. Il n'y a pas d'équipe à Bishop chez les hommes. Donc, sixième position, Concordia n'a pas encore de points, mais on a un meilleur différentiel de but que eux. Et le Patriote de la semaine, c'est Félix Petit, sans surprise, le nouveau joueur des Patriotes, qui a impressionné lors des deux matchs de la semaine dernière avec un but, 6 passes en deux matchs, 7 points. Ça part très bien. Au total, là, depuis ces trois matchs, un but, 7 passes, Félix, en trois matchs, c'est 8 points, c'est presque 3 points par match. Ça part fort. Félix débute un certificat d'administration, donc... va être très intéressant à suivre pour le reste de la saison. D'ailleurs, ils jouent demain, les Patriots, contre Concordia, ici même à Trois-Rivières. Ça va être intéressant à suivre. Les gens qui veulent aller voir ça, déplacez-vous. Ça va à peine. On a eu tout un show la semaine passée. Là, ça risque d'être différent comme spectacle, un peu au niveau des performances, non? Concordia. Des foules, peut-être. Bon, de la foule, c'est sûr. C'est pas dans le même arena. Ouais, c'est pas la même chose, mais pas grave. 234 personnes vendredi, c'était bien. C'était très bien. On va à la musique. On va aller écouter un peu de Major Lee avec la chanson Miss Québec. Miss Québec. En tout cas, c'est pas Miss Météo hein, aujourd'hui, on s'entend là-dessus. Vous écoutez les conduites de partie sur les ondes de C'est fou! Loin. t'attendais, c'est pas ce que t'étais, mais ce que t'étais pas. Pardonne-moi pour ça, mais quand t'as pu jouir d'une porte, c'est dur de retomber en là-dedans. Et bien me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Majorie avec la chanson Ça passe. Majorie avec de l'album Ça passe ou Ça casse. C'était la chanson Miss Québec. On soit maintenant en studio, M. André Gabias. Ça va bien? Bonjour, oui, très bien. Très bien. Écoutez... on va parler, vous, M. Gabriel, juste vous présenter. Dans le fond, vous êtes ici à l'université, vous êtes secrétaire général. En plein ça, secrétaire général de l'Université du Québec. Donc, quand même haut gradé, si on peut dire. On se trompe pas là-dessus. Quelqu'un avec de l'influence. Et justement, vous allez utiliser votre influence et vos connaissances à propos de l'université pour... Il y a un nouveau comité qui a été formé, le comité institutionnel sur le sport universitaire. Oui. Interuniversitaire, désolé. Oui. Donc... Qu'est-ce que, moi je me demandais, c'est grand comme nom, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut savoir exactement avec ça? D'abord, il faut comprendre que le comité a été créé à la demande du comité de direction, c'est-à-dire du recteur et des vice-recteurs. C'est donc dire que le sport interuniversitaire est une préoccupation pour la direction d'université. Ça, c'est d'abord une excellente nouvelle. Deuxièmement, ben, ils ont donné mandat à un comité qui est formé, entre autres, de Claude Dugas, qui est professeur au département... des sciences d'activité physique, Normand Schaffer, qui est le registraire. Louis Baudette, qui est un ancien patriote, un ancien étudiant de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Également de Maxime Lemieux-Laramé, qui est désigné par l'AGE. On a eu Maxime. Maxime était dans l'émission quelques fois l'an dernier. Effectivement. Et finalement, Daniel Payette, qui agit comme secrétaire. Donc, ce comité-là, qui a été formé par le comité de direction, a pour mandat de regarder dans son ensemble toute la question du sport interuniversitaire et de formuler un rapport d'ici le mois de juin 2010 au comité de direction afin que celui-ci prenne les bonnes décisions en regard de l'activité qui est le sport interuniversitaire sur le campus. OK. On parle de décision, c'est bon, c'est des grands termes. Qu'est-ce que, si je peux dire, je ne sais pas si vous pouvez répondre là-dessus, mais qu'est-ce qui a été le l'élément déclencheur qui a fait qu'on a décidé qu'on avait besoin. Je sais qu'on a lu, il y avait eu le rapport Quirion en 82. Le sport interuniversitaire a énormément changé depuis ce temps-là. Je pense changé pour le mieux en tant que tel. Ça a pris une ampleur, si on compare, même depuis 10 ans en tant que tel. L'arrivée du Roger Or de Laval, qui est peut-être venu... Bon, on s'est rendu compte que y a des jeunes... autre que le junior majeur, qui font du sport puis que c'est un bon produit puis c'est intéressant pour eux, c'est intéressant à suivre ça. Qu'est-ce qui était l'élément déclencheur qui a fait que faudrait peut-être revoir certaines manières de faire à l'UQTR? Ben, je pense qu'on le doit d'abord à Michel Morin, qui est le directeur du CAPS, qui a le mandat, entre autres, de s'occuper du sport interuniversitaire. Donc, dans son mandat, Michel et les gens du CAPS ont... à appliquer, si on veut, à l'intérieur des normes budgétaires qu'on connaît, les règles et l'organisation des équipes interuniversitaires. Par contre, c'est un domaine qui est en mouvance, en sens que, d'abord, nous sommes une université qui compte autour de 12 000 étudiants. Lorsqu'on parle de sport interuniversitaire, ça veut dire qu'on se mesure à des universités qui peuvent compter 40 000 étudiants ou d'autres 3 000 étudiants. Donc, c'est un réseau qui est très inégal en termes de nombre d'étudiants, donc de moyens et également d'équipes. Deuxièmement, on évolue dans un monde universitaire, soit québécois ou canadien, dépendamment des disciplines. Donc, les règles ne sont pas les mêmes non plus, les coûts ne sont pas les mêmes. Il y a également un engouement pour certaines disciplines sportives sur le plan inter-institution. Différent selon qu'on se trouve dans la région de la Mauricie, au Québec, ou dans l'Est du Canada ou au Canada comme tel. Donc, c'est beaucoup de problématiques à regarder en même temps. Et aussi, évidemment, il y a un coût à ça. Et il y a une participation, parce qu'on peut très bien cette année penser ou se retrouver devant un groupe d'étudiants qui souhaiteraient avoir une équipe dans une discipline donnée, mais ça ne nous dit pas que dans 5 ans, ça va être encore faisable de le faire. Donc, l'idée, c'est que le comité, avec le recul qu'il a, parce qu'il n'est pas dans le quotidien des activités sportives comme peuvent l'avoir les gens du CAPS, vont regarder ces perspectives-là et aussi établir les normes minimal qu'on doit rencontrer pour assurer la vie des équipes des équipes sportives interuniversitaires. Je donne 2 exemples. Le hockey, on le connaît. Ouais. Son milieu d'évolution, il est pan-canadien. Ouais, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de se retrouver à un championnat canadien tout en évoluant, il faut le dire, dans une ligue non pas québécoise d'université, mais dans la Ligue d'Ontario. Oui, il y a beaucoup plus d'équipes ontariennes d'ailleurs. Alors, je fais la comparaison avec l'équipe de golf. Qui est jeune, très jeune par rapport à l'équipe de hockey, qui se mesure à des équipes soit d'université québécoise ou de l'Est du Canada, okay. Mais dans un circuit qui est beaucoup moins organisé, si on veut, que ne l'est le hockey. Donc, et par contre, si vous parlez aux athlètes, aux étudiants athlètes qui sont dans l'équipe de golf, bien évidemment, ils adorent leur discipline, puis ils souhaitent de la compétition, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, il faut s'assurer qu'on leur donne les moyens nécessaires pour pouvoir évoluer dans un réseau de compétition qui est également correct pour eux. Alors, c'est ce qu'on a à regarder. Certains nous diront, et je pense que c'est déjà une préoccupation pour le comité. Il y a 12 000 étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'université est composée d'à peu près 60-63% d'étudiants, de filles. Ils sont où les sports interuniversitaires réservés aux filles? Aux filles, hein? Alors, vous allez me parler de basket. Basket, volleyball, personnellement, alors, c'est les deux qui me viennent. Là. Bien sûr que c'est déjà évoqué. Alors, c'est le genre de questions qu'on va regarder et auxquelles on va proposer des avenues de réponse au comité de direction qui, en définitive, vont prendre des décisions appropriées. Puis je pense que c'est les deux sports, volleyball, basketball, qui seraient les plus... facile quand même à amener ici par rapport... Parce que j'ai eu beaucoup de questions, ouais. Là, plusieurs m'en ont parlé, puis bon, le sport qui revient tout le temps, c'est le fameux football, mais je comprends très bien que le football, à toi, c'est premièrement, établir un programme de football, c'est énorme, contrairement à, bon, volleyball, basketball, au niveau des frais, puis au niveau de tout ce qui est la technique, puis tous les gens qui allaient chercher. Je pense que parce qu'il y a déjà eu, il y en a déjà eu du football ici, il y a eu beaucoup plus de sport à l'université ici, il y en a déjà eu beaucoup plus qu'il y en a présentement. Si on veut, je peux dire, remonter la pente un petit peu, comme aller chercher que les Patriotes s'étendent à plus, c'est des sports où il faut commencer, autant chez les hommes que chez les femmes, féminins, masculins, dans ces deux sports. Oui, mais il y a beaucoup d'éléments à considérer. Hein. D'abord, si on parle du football comme tel, certains diront il devrait y avoir une équipe de football à l'UQTR parce qu'il y a un réseau de football d'équipe mineure, que ce soit au niveau secondaire, les Diablos. Les Diablos. Donc, en principe, il y a un réseau qui pourrait nourrir une équipe interuniversitaire. Donc, ça, c'est une façon de voir les choses. Mais en même temps, il faut regarder dans quel réseau de compétition l'université serait. Et là, peut-être qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. À l'inverse, si on prend le basketball, je pense qu'il faut, et c'est ce que le comité va faire, va aller voir d'abord ce qu'il y a sur le plan secondaire et collégial, parce que l'avenir de l'université se trouve autant au collégial qu'au secondaire. Mm-hmm. Alors, les disciplines qui sont très populaires, et je dis populaires dans le sens dans lesquelles il y a beaucoup d'étudiants qui évoluent, c'est déjà un indice. Mais après, il faut regarder dans quel circuit on serait appelé à évoluer. Et ça aussi, c'est important de s'assurer qu'on soit et compétitif, mais aussi viable tout au cours des prochaines années. Alors, il faut éviter, je pense, d'avoir une réponse spontanée à la création d'une équipe sportive pour que dans 2 ans ou 3 ans, elle disparaisse, parce qu'il n'y a rien de plus démobilisateur qu'une équipe sportive qui disparaît dans une université. Alors ça, il faut être très prudent pour vraiment donner les bases solides dans la mesure où on décidait d'aller dans un sens pour une discipline donnée. Puis pour les sports qui sont là présentement, est-ce que le comité va toucher, bon, comment assurer et voire même augmenter la promotion de ceux qui sont autant le hockey que le soccer? Tout à fait. On n'est pas là pour re-questionner la pertinence des équipes qui sont là, mais bien pour, entre autres, trouver des façons d'assurer la présence de nos équipes sportives, d'assurer le financement des équipes sportives, puis aussi d'assurer l'adhésion de la communauté universitaire à nos équipes sportives, parce qu'on croit que c'est un moyen, c'est pas le seul, mais c'est certainement un moyen de rendre intéressante notre université, de la faire connaître et d'y amener de nouveaux étudiants, parce qu'il faut toujours se rappeler que ce sont d'abord et avant tout des étudiants athlètes et non l'inverse. Et non l'inverse. Ouais. Hein. C'est souvent ça qui est le problème ailleurs. Là. Au Québec, c'est un peu moins pire. Aux États-Unis, bon, c'est une autre affaire. Il y a des places que un bac s'achète facilement quand on a beaucoup de talent. Par exemple, football, basketball, c'est un peu moins compliqué dans ces cas-ci. Mais je suis très d'accord avec ce que vous dites au point de vue de donner une visibilité. On en parle. Bon, là, c'est un peu moins avant. Avant, on l'avait beaucoup dans le Journal de Montréal. Serge Vlemings, qui faisait oui. Bon, une page facilement toutes les semaines, c'est Patriotes. Une page de pub dans le Journal de Montréal, c'est 5 000, 10 000 piastres, facile, là, que gratuit d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est un des éléments qu'il faut considérer, mais en même temps, une équipe qui ne performerait pas dans un circuit interuniversitaire, okay. C'est de la mauvaise publicité. Ouais, okay. Tout dépend de quelle façon on le regarde. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, et c'est vraiment ce qui est la préoccupation du comité, de vraiment regarder tous les éléments qui feront une recette gagnante et permettent à l'Université du Québec à Trois-Rivières de se distinguer, entre autres, par de bonnes équipes sportives sur le plan interuniversitaire. Parce qu'on est quand même situé au central, au niveau de la province ici. Donc, quand on parlait de bassin, ça peut autant être Drummondville, Clamoricie, bon, Shawinigan, mais on parlait, tu sais, Grugé. Notre regard se porte, on a débuté nos travaux en rencontrant d'abord Michel Morin, qui nous a fait le portrait de la situation actuelle. Nous allons rencontrer dans les trois prochaines semaines les 5 instructeurs des équipes sportives actuelles des interuniversitaires de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après, nous allons rencontrer les directions de services sportifs des collèges, des cégeps de la région, du Collège de la Flèche. On va même également rencontrer des gens des commissions scolaires de notre territoire, c'est-à-dire le centre du Québec et Mauricie. Donc, pour avoir vraiment une idée de ce qui s'en vient, puis savoir également ce qui est souhaité ici même à l'université, et aussi regarder dans le contexte de compétition interuniversitaire. Est-ce qu'on est dans un contexte canadien, plutôt québécois? Et également voir les moyens que ça prend pour réussir, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une équipe. Il ne faut pas non plus que l'engouement à la discipline sportive soit relié simplement à des victoires. Une équipe interuniversitaire doit recevoir l'appui de sa communauté universitaire, perd ou gagne, mais on ne peut pas non plus perdre pendant 5 années d'affilée, tout comme on ne peut pas nécessairement espérer gagner 5 années d'affilée. Alors, il y a une espèce d'équilibre qu'il faut maintenir et ce sont tous les ingrédients qu'on souhaite remettre à la direction de l'université pour qu'elle puisse décider d'orientation qui va assurer le succès de nos équipes sportives dans un cadre interuniversitaire. Puis vous parlez que vous allez aller voir bon, dans les collèges, les écoles secondaires, tout. Est-ce que vous allez aller voir les autres universités aussi? Nicolas Fabienne me l'a donné précis. Effectivement, aussi, nous allons rencontrer d'autres universités, voir comment ça fonctionne, avec toujours la nuance. Hein, si on regarde Laval, c'est 40 000 étudiants. Et par contre, si on regarde l'UQAM, c'est beaucoup d'étudiants et quand peut-être ils ont fait des choix qui sont peut-être différents. Alors, on va regarder ce qui se fait ailleurs, mais l'université de 12 000 étudiants, il n'y en a qu'une, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sherbrooke, c'est plus comme 20 000 environ. C'est beaucoup plus que 12 000. Oui, c'est ça. Mais en tant que tel... Et Sherbrooke a fait des choix. A fait entre autres le choix d'une équipe de football. C'est pas exclu, mais on ne veut pas non plus de créer de faux espoirs parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de sacrifices à donner. Et en même temps, ce qu'on doit considérer, c'est les équipes sportives de sport universitaire. On ne souhaite pas qu'une seule équipe aille chercher toutes les ressources au détriment de d'autres disciplines qui pourraient aussi contribuer à la vie sportive universitaire. Oui, puis en tant que telle, une équipe de football pourrait faire mal à l'équipe de hockey.

kids and we used to hang in the know cause we were kids and we used to hang. Did you hear the 59 sound coming through incredible of this radio? Did you hear the rattling chains in the hospital walls? Did you hear the old gospel choir when they came to carry you over? Did you hear your favorite song one last time? Young boys, young girls, young boys, young girls, young boys. Ain't supposed to die on a Saturday night. Young ain't supposed to die on a Saturday night. Well, they ain't supposed to die on a Saturday night. Young ain't supposed to die on a Saturday night. You hear the 59 sound coming through a grandpa on his radio. Did you hear the rattling chains in the hospital walls? The Gaslight Anthem avec The 59 Sound qui vient directement de l'album The 59 Sound. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est Fou. Vous voulez voir notre site, c'est www.conduitedepartie.com où vous pouvez réécouter toutes les émissions chaque semaine. Je mets ça en onde. Maintenant, j'ai même, comment il est fait le site, j'ai même un petit lecteur à intégrer. T'as même plus besoin de faire 6 clics pour aller chercher l'émission. C'est magique. C'est de la magie. La voix que vous entendez en arrière, c'est celle de Pierre-Luc Giroux. En arrière. En arrière de la mienne, parce que je parle plus fort. Il est 9h42, on y va avec le Julien Majeur, Pierre-Luc. Oui. Bon, Patrice Cormier. Hey, je propose qu'on se garde ça pour après la pause de 10h, ça te va dire? Ben certainement, on va commencer par parler des cataractes. Vas-y, cataractes. Qui avait une très, très grosse semaine, qui se rendait dans les Maritimes, donc la semaine dernière. Tout d'abord, mardi dernier... Ils reprenaient deux matchs qui étaient prévus là, le 10 et 12 novembre. On se rappelle, Nicolas, les joueurs des Cataractes avaient eu une épidémie dans H1N1. Donc, 6 joueurs dans ce temps-là avaient eu le virus, si on veut. Donc, le match qui avait été annulé à ce moment, qui a été repris justement mardi dernier, tout d'abord contre les Moussets d'Halifax, qui est la pire équipe du circuit pour le moment. Donc, joue mieux, par contre, les Moussets. Oui, ça va mieux. Hein? Ça va très mieux. Ça va beaucoup mieux, mais... À quel point ils sont loin au classement? Est-ce que je te pointe dessus? Je te surprends? Ils sont encore derniers. Derniers, ouais, okay, ouais, OK. Ils sont en arrière là, du Drakkar de Baie-Comeau et du Titan d'Acadie Bathurst. OK, ils pourraient pas avoir assez de jus pour remonter. Toujours assez de jus pour remonter, mais ça va être difficile. Là, va falloir battre les grosses équipes. Puis les Moussets, qui l'ont pas facile non plus, parce qu'il faut dire que la plupart de leurs matchs se jouent contre des équipes des Maritimes et les quatre meilleures équipes. Ouais, hein? C'est ça, trois des meilleures équipes sont dans leur division, plus l'île du Prince-Édouard aussi qui est pas facile à battre. Donc quand même une différence de 12 points entre 12 Lewiston points. Ça et va Halifax, être très difficile, c'est certain. Ils sont mieux de finir dernier, oui, pour le choix de repêchage, d'un autre base, parce qu'une ronde de série, c'est une ronde de série, c'est deux matchs de plus que tu joues à domicile. Pour Halifax, c'est très payant. Ben là, 7-8 000 personnes par game, à c'est peu ça, près. C'est ça. Non, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent qui se perd quand tu fais pas les séries. Le propriétaire doit pas être le gars le plus content présentement. Quoique, il doit faire un masse d'argent avec son team. Je suis pas même inquiet. Ouais, ben je pense que c'est la deuxième année quand même que les Moustaches ne font pas les séries. Là. Fait que ça commence à faire mal. Ils ont de leur côté. Ils n'ont pas fait l'année dernière non plus. Donc, c'était Val-d'Or et Halifax l'an dernier qui n'ont pas fait les séries. Non. Je crois. Ouais, Halifax et Val-d'Or, tu peux pas être plus précis. Halifax et Val-d'Or, c'est ça. Et oui, ils avaient manqué tous les deux de 1 point face à Lewiston. Donc, Halifax, qui serait comme la deuxième saison de suite, il va falloir s'en virer de bord là, dans les prochaines années parce que, veux, veux pas, oui, on apporte beaucoup de monde dans l'aréna. Il y a quand même des excellentes foules, même s'ils sont derniers. parce qu'on vise beaucoup sur le spectacle aussi, plus que qu'est-ce qui se passe quasiment sur la glace. Ben, c'est pas comme s'il y avait d'autres choses à faire à Halifax non plus. Là, non. Bon. Mais à voir comment l'équipe joue présentement, je pense que c'est une équipe qui est en maturation. Puis que l'an prochain. En maturation. Oui, de maturation, elle mature. Elle gagne en maturité. Okay. Oui, elle mature, elle gagne en maturité. Elle est en maturation. Merci beaucoup. J'avais un gars que je connaissais qui était en maturation. C'était comme entre le maternel et la première année. Quand t'avais, c'était comme ta façon de redoubler ta maternelle. C'est pas mon retour de ta maternelle. Non, ça part pas bien, mettons. Donc, c'est ça. C'est une équipe qui, probablement, l'an prochain, va être milieu de classement, peut-être plus haut. Tu sais, une équipe qui pourrait extrêmement surprendre. Rappelle-toi, il était voltigeur de Drummondville il y a 2 ans. Ben oui. Faire un fond de classement, puis l'année d'après, premier au classement. Hein. Mm. Tout dépend comment tu joues tes cartes. C'est ça la question. Ça, c'est sûr. Donc, contre les Moussettes d'Halifax, les Cataractes, ils l'ont facilement emporté par la marque de 5-2. Les buteurs du côté des Cataractes, Antoine Haute-Caron, Yannick Veilleux qui marquait son premier but en carrière durant ce match. Premier choix au pêchage, Yannick Veilleux. Oui, premier choix au pêchage. Et, écoute, ça fait du bien, je pense, pour lui de compter son premier but dans l'uniforme des Cataractes. Et ainsi de suite. Dans, il va ôter un poids sur ses épaules. Hein? Oui, je pense que oui. Donc, Phil Paradis, 3e but. Pierre-Alexandre Vandal et Raphaël Pouliot ont les 2 autres buts. Les buteurs du côté des Moussettes sont Thomas Notek et Andrew Wigington. Donc, les 2 buteurs du côté des Moussettes. 36-19 pour les Cataractes dans les tirs. Donc, je pense que ça a vraiment été une domination. C'est presque la moitié de plus de tirs là, pour les joueurs des Cataractes. Mais quand même, on peut pas dire que le gardien de but des Moussettes, Mathieu Corbeil-Thériault, a mal fait. Parce que ça a quand même bien été pour lui. 31 arrêts dans le match. Qui est probablement un gardien prometteur. Ouais, c'est ça, c'est lui qui est un des mieux classés. Le problème québécois le mieux classé au niveau des gardiens présentement. Probablement après Louis-Domingue. Non, il me semble que Louis-Domingue. Louis-Domingue est après. Oui, il me semble. Je vais aller vérifier, là, mais. On vérifie ça avec Colette. Colette, on va aller appeler notre recherchiste. Contre le gardien de but pour les Cataractes était Marc-Antoine Gélina, lui qui remportait sa 24e victoire de la saison. Donc, ça va très bien de son côté. On se transporte maintenant mercredi. On se rendait à l'Île-du-Prince-Édouard, à Charlottetown, pour y affronter le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard. Et un match beaucoup plus serré, je vous dirais. Donc, tout d'abord, l'Île-du-Prince-Édouard qui ont pris les devants 1-0 en première période, 2-0 en deuxième. Les Cataractes ont réduit l'écart 2-1. Le Rocket ont pris les devants 3-1 et les Cataractes ont ensuite réduit encore une fois à 3-2. Le Rocket en troisième période, début de troisième période, qui ont repris les devants par 2 buts. C'était 4-2 à ce moment. Et les Cataractes ont fait une belle remontée en fin de match pour marquer 2 buts, pour porter la marque à 4-4. En fusillade, ça s'est terminé en fusillade et l'Île-du-Prince-Édouard l'ont emporté sur un but de Benjamin Casavant. Du côté des Cataractes, les buteurs sont Michael Claffé, Pierre-Alexandre Vandal, Dave Labrec et Philippe Paradis. Joe Dubé, Yannick Veilleux et Olivier Ouellet ont été chacun arrêtés durant la période de fusillade. Je trouvais les choix un peu judicieux, je vous dirais. Joe Dubé, qui est pas quand même... Ben, Joe Dubé qui vient d'arriver, mais qui est prometteur quand même. Moi, je l'ai vu... Pas pu mettre Vandal et Veilleux, Vandal et Paradis. Je pourrais pas dire. Je sais pas. Tout dépend de ce qui s'est passé dans la partie. Hein, ah, aussi. Ça, c'est sûr que ça joue ça, beaucoup. C'est tout un signe. Mais écoute, en fusillade, c'est on prend nos meilleurs, là, avec les meilleurs mains. Ah non, puis... j'ai déjà vu... Écoute, des gars qui avaient bien joué dans le match. Tu les récompenses comme ça. Je veux dire, présentement, les Cataractes n'ont pas une tonne de choses à gagner ou à perdre au classement. Là. Non, mais écoute, un point, des fois, ça peut être important. Ouais. Pour Mathieu Corbeil, devant Louis-Domingue, le Québécois le mieux classé au niveau des gardiens présentement. Mais je vais être bien franc, j'ai de la misère à aller trouver le classement sur Internet. C'est pas facile. Hockey's Future, ceux qui connaissent pas Hockey's Future, gâtez-vous. Pour ceux qui veulent apprendre sur... Après l'émission, bien sûr. Ben non, mais en même temps. Si vous voulez devenir une recherchiste et nous aider Colette dans son travail. Avec notre douce voix à l'arrière, on est... Vois-tu, d'ailleurs, parlant de ce classement-là, c'est toujours Taylor Hall qui est premier, Tyler Seguin. qui est deuxième. Tout donc, à fait normal. Je trouve le top 30, mais au niveau des gardiens, j'en ai aucune idée. Je pourrais pas plus te dire. Donc, vas-y. Oui, donc défaite de 5 à 4 en fusillade contre l'île du Prince-Édouard, comme j'ai des choix un peu judicieux, mais bon, c'est pas grave, comme tu dis, un point, c'est juste un point, mais donc du côté de l'île du Prince-Édouard, c'était Jared Struthers qui a été arrêté lui aussi pendant la fusillade, c'était Evan Mosher qui était devant les buts pour le Rocket, et Marc-Antoine Gélinas, lui avait sa 9e défaite de la saison. On va en avoir un peu plus qu'à Saint-Jean des défaites. Ouais, ça c'est sûr que ça commence à monter tranquillement, pas vite. Jeudi, on se transporte maintenant du côté d'Acadie Batters. C'était quand même le 3e match en 3 soirs pour nos Cataractes. Tout ça à l'étranger. On fait beaucoup d'autobus dans ce temps-là. On se transporte dans des maritimes et on s'en va de Halifax à l'île du Prince-Édouard à Batters. Ben, c'est quand même un bon voyage. Là, ben, ça se fait quand même en 3 jours. Parce que c'est-tu Batters ou c'est. Ah, c'est Fredericton peut-être qui a un traversier. Et probablement qu'ils ont pris le traversier et du Prince-Édouard à Fredericton. Je dirais qu'Halifax, c'est beaucoup plus loin, là, c'est certain. Ben, Halifax, tu pognes le pont. L'île du Prince-Édouard. Puis, L'île du Prince-Édouard, je pense qu'il n'y a pas juste sur un pont. C'est la Nouvelle-Écosse. Oui, c'est ça. Le pont. Le pont, mais il ne part pas de la Nouvelle-Écosse. Oui. Il part du Nouveau-Brunswick. T'es sûr? Oui. Ben, allez googler Maps. Ben, regarde-moi ça, s'il te plaît. Ça se peut que je me trompe, mais il me semble que je suis déjà allé dans ce coin-là. J'ai déjà passé ce très immense pont. 13 km. Jusqu'à l'île du Prince-Édouard. C'est énorme. C'est énorme. Vois-tu le pont. Ça part du Nouveau-Brunswick. OK, il est pas loin de la frontière. C'est ça. Il est collé sa frontière entre le Nouveau-Brunswick. Pas trop loin de Cap-Pelé. Cap-Pelé qui est. Les Acadiens? Oui, Cap-Pelé, c'est. C'est voyons, il vient de se faire. Cormier, c'est Patrice Cormier qui est Cap-Pelé à avancer. Donc, écoute, t'as totalement raison. C'est qui est quand même assez loin d'Halifax, le pont. Là. Je veux dire, c'est pas. Une coupe d'heure d'autobus. Non, écoute, Pierre-Luc, t'as raison. Écoute, Halifax, c'est de l'autre bord de l'île. Félicitations. Ouais, mais merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais Moncton est plus proche, c'est plate qu'il jouait pas à Moncton. Hein, ouais! C'est ça qu'il aurait fallu. Donc, défaite devant le Titan d'Acadie Batters, 6 à 3. Devant, tiens-toi bien, mon Nicolas, 804 spectateurs. On n'a même pas atteint le 1000 personnes pendant ce match. Ça va pas bien, Acadie Batters. Hein. On a moins de personnes au Titan qu'on en a aux Patriotes. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent aussi là-dessus. Ben, je sais que les Moxettes ont dit qu'elle allait garder l'équipe-là à tout prix. Là. Ben, il a vendu l'équipe à ses enfants, si on veut, une histoire de famille. Quoi. Ouais, mais les enfants ont dit qu'ils allaient garder ça, là. Sauf que là... Ben, toi, tu ferais quoi? Ben, moi, je ferais quoi? J'amènerais cette équipe-là, là, ici, près de Montréal, là, qui était le marché de Sorel, c'est ça? T'as Sorel, mais... J'y crois pas à Sorel. Non. J'y crois pas. L'aréna est trop petite, là. Je sais qu'ils veulent la rénover, ils disent 800 000, bon, mais 2 millions, rénover ça, puis tout... Ça reste que tu essaies de faire de quoi qu'il y a de l'allure avec rien. La structure est pas faite pour ça. Je verrais bien plus Sherbrooke, personnellement. En plus, il y a des rumeurs de la Ligue nord-américaine. Sherbrooke, on sait qu'est-ce qui s'est passé avec eux dans les dernières années, des castors. Ouais, mais Mark Just, là, le propriétaire des castors dans le temps, qui a déjà déménagé à la Weston, là, c'était pas le roi de la promotion. Là. Ben, sûrement pas le roi du marketing. C'est ça. C'est pas croyable que, je veux dire, le vert et or marche à 6000 personnes par game. Là. Fais-moi pas croire que t'es pas capable d'attirer 3000 personnes à ta game au Palais des Sports. Là. Si Saint-François disparaît, Saint-François des Nord-Américains disparaît l'an prochain, eux, ça leur prend une équipe. Là. Il est grand, là, le Palais des Sports. C'est 6000 places. Moi, ce que je fais, par exemple, as-tu déjà vu un peu le Palais des Sports? Non, j'ai vu sur photo seulement. Construit dans les années 60. J'ai pas la date exactement. Construit dans les années 60. Très grande arena. Est faite vraiment en... ils ont creusé le sol. Fait que quand tu rentres, t'es déjà en haut des gradins. Tu rentres. Il y aurait une rénovation majeure à faire dessus. Okay? Tu aurais une couple de millions à mettre dessus. Installer des loges. Vraiment, je pense que c'est l'affaire. Au pays, là, il y a 6000 places. Coupe-en 1000. 5000 places. Là. Puis tu rajoutes des gradins. Tu rajoutes un genre de mur de loge à l'avant qui fait le tour. Des corporations, c'est pas ce qui manque à Sherbrooke. Là. Il y en a, là. Le Knoxville est pas loin. Bon, t'as les Anglais. Les Anglais aiment ça, le hockey, là, aussi. Là. Faut pas mettre dehors, non plus, là. Fait que, personnellement, je trouve que le marché le plus potable serait Sherbrooke, selon toi. Au Québec, serait Sherbrooke. Ouais, peut-être. Si tu te retrouves avec un investisseur, avec quelqu'un qui est prêt à investir. J'avais peut-être pensé aussi à Lévis, qui est de l'autre bord du pont, ouais, au Québec. T'as un territoire, là. Ah, les remparts, comme Trois-Rivières. Bon, Trois-Rivières, ça se parle de plus en plus que l'aréna. Ouais, bon, c'est supposé de se faire. T'as Shawinigan. Trois-Rivières, bon, l'aréna n'est pas là non plus. Écoute, et comme ils disent l'expression « bâtissez-le, ils vont venir », bon, ben c'est ça. Ben ça, c'est dans le même cas des Nordiques. Ben oui, c'est dans le cas des Nordiques, c'est dans le cas de bien des choses. Mais il y a une part de Bois-Briand qui va faire l'aréna. Qui va être ouvert à Apollon, c'est Joël Bouchard que ça, là, 3000 places à peu près. Toi... L'aréna, Joël Bouchard, c'est son nom, d'ailleurs. T'es-tu sûr, toi? Avec lui, je le vendrais à une corporation, là, si tu fais du cash un peu, là, t'as qu'à nommer l'aréna à ton nom. Là. Mais 3000 quelques places, là, à peu près, peut-être mieux faites que Drummondville, qui est un 3000, mais tout un peu. Pourquoi pas Bois-Briand? Ben, c'est 40 km, c'est le fameux territoire. Ouais. Farrell Miller n'a pas voulu vendre l'an passé, c'était ce territoire-là. Donc, c'est ça. On va voir. Écoute, je ne sais pas, mais moi, un investisseur, j'irai à Sherbrooke, mais avec un plan de marketing pas mal plus agressif. Ah, c'est que ça. Que c'était autant des castors et des faucons. Ouais. Tu sais, en tout cas, c'est moi l'opinion. Ça pour dire que le Titan, ça va pas bien. Ça va pas bien de leur côté. Ça va pas bien. Donc, mais ça va pas bien non plus pour les Cataractes qui se sont inclinés devant le Titan par la marque de 6-3. Le Titan qui est, une équipe qui lutte encore pour une place en série en ce moment. Donc, défaite de 6-3 devant ses Titans. Les buteurs du côté des Cataractes, Yannick Veilleux, qui avait son deuxième. Donc, 2 buts en 3 matchs pour lui. Donc, ça va très bien. Ouais, pour C'est peut-être fait de donner plus de responsabilité un petit peu. Là. Sûrement. Probablement. Avec les départs et tout. C'est bon, ça. Ben, tu montes d'un trio, plus de temps de glace. C'est ta confiance. Hein, c'est t'sais, un joueur de hockey, c'est pas... Faut pas toujours avec la confiance parce que tu peux tomber de haut là, des fois. Non, ça c'est vrai. Donc, Pierre-Alexandre Vandal et Raphaël Pouliot sont les autres buteurs. Du côté du Titan d'Acadie Batters, les buteurs sont Ryan McKernan, qui est un joueur de 20 ans qui vient d'être acquis des Voltigeurs de Drummondville durant la période de transaction. Les Voltigeurs qui n'avaient plus nécessairement besoin de lui et maintenant ça va très bien de son côté avec le Titan. David Gilbert, 2 buts dans la partie, lui aussi acquis des remparts. On en a parlé la semaine dernière, le joueur de 18 ans qui ne faisait pas l'affaire nécessairement de Patrick Roy à Québec a été échangé en Acadie Batters et ça va très bien lui aussi de son côté. Donc beaucoup de nouveaux joueurs du côté du Titan. Surprenant le Titan, je te dirais, avec leurs nouvelles acquisitions, là, nouvelle image. Ben, peut-être que justement, ça va peut-être ramener des foules, mais au même titre que je disais pour Halifax, c'est une équipe plus jeune qui est en train de maturer. Vraiment, oui, vraiment. Jonathan Lessard, Taylor Lamkey et Eric Foy sont les autres buteurs. Si on regarde dans les buts pour le Titan, c'était François Lacerte, l'ancien gars. Donc, qui affrontait son ancienne équipe, était probablement très content de remporter une victoire contre son ancienne équipe, le directeur général, M. Mondou, qui l'a échangé pour laisser place à Marc-Antoine Gélina des Sea Dogs. Donc, François Lacette qui s'est retrouvé en Acadie Batters. Lui qui était natif justement de Trois-Rivières, donc qui est un petit gars de la place, et échangé là, du côté d'Acadie Batters. Entre ça et Gélina, tu préfères lequel? Ben, je dirais Gélina, mais la différence, c'est que la certe, on l'a dans les prochaines années. Donc, ouais, mais on a Gérard pour ça. On a Gérard. Chez les Cataractes, on a Gérard. Mmh. Donc, je pense plus que Gélina va peut-être plus apprendre de stock à la certe, pas à la certe, à Gérard, que la certe, il y en aura. La certe et Gérard ensemble, ça, c'est certain. Ça, je pense que ton point de vue est très, très bon. J'ai un doigt sur le bobo. Ouais, t'as un doigt sur le bobo. Donc, François Lacerte qui méritait une 7e victoire cette saison. Très content de remporter une victoire contre son ancienne équipe. On se transporte maintenant dimanche. C'était à Rimouski cette fois. Et les Cataractes qui ont très très bien sorti, ont sorti très très fort. Victoire facile de 5-0 des Cataractes. 3 buts en 3e période. Charles-Olivier Roussel, 2 buts en avantage numérique dans la victoire. Gabriel Lemieux, Pierre-Alexandre Vandal et Tommy Tremblay sont les buteurs. Donc, la vedette du match, bien sûr, c'est Charles-Olivier Roussel, lui qui a inscrit 2 buts dans la victoire. Bravo. Donc, dans les tirs, 27-19 pour les Cataractes dans le match. Donc, non, les Océaniques qui n'ont pas sorti un très gros match. Marc-Antoine Gélinas qui méritait une 25e victoire cette saison. Et le gardien pour l'Océanique était Mathieu Dupude. On le sait tous, on se trompe à toutes les semaines entre Dupod et Dupude. Dis-le en anglais, ça va mieux. Dupude. Excuse. Donc, du côté des Tigres, maintenant, on se transporte au Colisée des Jardins pour le duel de la semaine. La semaine dernière, les Wildcats qui affrontaient les Tigres de Victoriaville, probablement les deux meilleures formations de la Ligue en ce moment. Et les Wildcats, là, quelle équipe! Victoire de 6-2 sur les Tigres de Victoriaville. Vraiment, les Wildcats qui ont été dominants dans cette partie, qui ont accordé seulement 20 lancers aux puissants Tigres de Victoriaville. Donc, les buteurs sont Marc Barberio, David Savard, Alex Saulnier, Ted Stevens, Taylor Hall, Kaisley Tessier. Avec donc tous des buteurs différents du côté des Wildcats et du côté des Tigres, Guillaume Goulet et Thomas Kubalik ont été les buteurs. Guillaume Goulet qui a fait un but sur un lancer de pénalité durant la deuxième période. Le gardien de but, Nicolas Riopel, remportait déjà pour lui une 8e victoire cette saison. Lui qui vient d'arriver là, récemment là, pour porter renfort aux Wildcats. Et Kevin Poulin subissait sa 11e défaite de la saison. Donc, victoire de 6-2 des Wildcats. Vraiment le gros duel de la semaine. Ça en dit long sur ce que les séries pourraient avoir de l'air. Ouais. Rouyn-Noranda, Saint-Cormier. Moi, t'as qu'à moi, la coupe a commencé à pas mal couler du côté de Moncton. Malheureusement. Préparer. Puis avec la victoire qu'ils viennent d'aller chercher, ça m'étonnerait qu'on mange de la poutine dans la Coupe du Président cette année. Vu de même. Mais c'est ça qu'ils veulent faire, Victo. Les Tigres sont pas finis. C'est ça qu'ils veulent faire, Victo. C'est de la poutine dans la coupe. Manger de la poutine dans la coupe du président au lieu de l'alcool. Je n'y reste pas, je suis sérieux. Je suis très sérieux. C'était quoi le gag? Ben, tu sais, Victo Drummond, c'est la fameuse gag de la poutine. Ben, Victoriaville, la poutine, ça a l'air qu'elle est excellente. Bon, la poutine, il y en a de la bonne partout, mais je veux dire, c'est le lieu de naissance de la poutine. C'est entre les deux, avec des Warwick qui est comme situé un peu entre les deux. Donc, c'est une façon de la mettre dans la face de Drummond de manger de la poutine dans la coupe, j'imagine. Là, où, je sais pas, mais non, c'est le fun. Écoute, si les Rangers de New York ont fait manger un cheval dans la coupe Stanley, je pense que de la poutine dans la coupe du président, il y a rien à... Je te jure, ça et tout. Je te crois. De la slush dans la coupe Stanley. Tout a été fait avec... C'est pour ça que c'est souvent, c'est la coupe. Il y en a deux coupes cette année, là, dans le fond. C'est la mauvaise, genre, qui s'en va avec les joueurs. Là. L'autre est gardé bien précieusement. Ah, c'est tout à fait normal. On va juste savoir qu'est-ce qu'ils font avec. Là. donc, on se rapporte samedi. Les Wildcats de Moncton, qui étaient maintenant à Drummondville, donc pour y affronter les Voltigeurs. Et victoire de 6-3, encore une fois, des Wildcats. Autre domination dans le match des Wildcats, qui n'accordent pas beaucoup de tirs, les Wildcats de Moncton. On regarde encore seulement 20 tirs d'allouer aux Voltigeurs. Donc 20 tirs en deux matchs, ça fait 40 tirs en deux matchs. C'est excellent. C'est excellent pour les Wildcats, qui jouaient quand même pas contre des équipes n'importe qui, là, de tirer du... Fait que c'est ça. Donc, les Wildcats de Moncton, Brendan Gormley, Nicolas Deschamps, deux buts, David Savard, Alex Wall et, encore une fois, Kaisley Tessier. Donc, 5 buteurs différents. Et du côté des Voltigeurs de Drummondville, Gabriel Dumont, Philippe Lefebvre et André Pala sont les buteurs. Et sans, il ne faut pas oublier là, les Wildcats qui ont battu Victoriaville vendredi, qui ont battu Drummondville samedi et sont venus battre les Remparts à Québec dimanche. Donc, ils ont battu quand même 3 excellentes machines de hockey. Puis tout ça en 3 soirs. Là. Oh, ouais, c'est excellent. Tu as bien raison en disant que les Wildcats vont être très difficiles à battre. Petite note en disant que la LHJMQ, donc la Ligue de hockey junior majeur du Québec, fêtait son 20 millième match de l'histoire. C'était vendredi dernier, alors que les Screaming Eagles du Cap-Breton étaient à Baie-Comeau pour affronter le Drakkar. Donc, 20 millième match. L'an passé, on fêtait la 40 ans d'histoire. Cette année, on fête le 20 millième match. Wow! C'est excellent. Donc, Brenton, du Junior de Montréal, 3 buts, 3 passes en 2 matchs, donc qui a aidé son équipe à remporter contre les Foreurs et les Sea Dogs de Saint-John. Et côté défensif, David Savard, lui qui a remporté les 3 victoires contre Victoriaville, Drummondville et les Remparts, le joueur des Wildcats de Moncton, lui qui a amassé 2 buts, 3 passes dans cette semaine. Donc, Moncton, très, très dur. Ouais. Une grosse coche en haut pour eux autres. Là. Ils appellent, ça paraît, puis ça leur a permis d'aller chercher Tessier avec ça. Donc, c'est clair. Ils vont être dangereux. Je mets un vieux 2 là-dessus. Donc, on sort une pause. Au retour, Patrice Cormier, toute l'affaire Patrice Cormier, la suspension, saison, série, on vous parle de ça. Vous écoutez les conduites de partie sur les ondes de C'est fou. L'Université du Québec à Trois-Rivières ouvrira ses portes aux futurs étudiants et visiteurs le samedi 30 janvier prochain de midi à 16h. Saisissez l'occasion de venir à l'UQTR lors de la journée porte ouverte et de découvrir les multiples facettes de la formation de la vie universitaire sur le campus Trifluvien. Sur place, responsables de programmes, professionnels et étudiants animeront une quarantaine de kiosques d'information et répondront à tes interrogations. Des visites guidées te permettront de voir les pavillons, les laboratoires, les résidences et le nouveau pavillon de la santé. Viens nous voir et cours la chance de voir exemptés tes frais de scolarité pour ton prochain trimestre. Imagine, pas de frais de scolarité pour une session. On t'attend le 30 janvier prochain, l'Université du Québec à Trois-Rivières, une université pour toi. Information et admission, uqtr.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le service d'aide à l'emploi du service aux étudiants de l'université est fier de vous présenter la journée carrière 2010 de l'UQTR. Le mercredi 27 janvier 2010 au CAPS, de 10h à 16h, venez rencontrer de nombreux représentants d'entreprises de domaines très variés, des organismes et organisations offrant des emplois aux étudiants finissants et diplômés de l'université. Des entreprises de la région, de la province et du pays seront sur place. L'événement est organisé pour les étudiants finissants et diplômés de l'université, mais il est également ouvert à la population. L'activité est tout à fait gratuite, sur place aussi, prix de participation pour les étudiants de l'université. C'est donc un rendez-vous avec Curriculum Vitae, sourire et dynamisme. Musique Daniel Côté, l'unique dépositaire Gibson à Trois-Rivières, vous offre également des marques telles que Jackson, Ibanez, Epiphone, BC Rich et Yamaha. Musique Daniel Côté, c'est également des guitares acoustiques, de la sonorisation, un département de musique par ordinateur et encore plus. Que vous soyez expert ou débutant, profitez de nos conseils et de notre service hors pair. Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. C'est fou, c'est comme un balai, Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Mandal, vous écoutez un conduite de partie sur C'est fou. Kamikaze avec la chanson Entre les deux oreilles, si je me trompe pas. Rien entre les deux oreilles. Ce qui pourrait s'appliquer à un certain joueur, le junior majeur du Québec, tu vois mon lien, Pierre-Luc? Oui. Tu le vois très bien à part de ça. Hein? Pas difficile à venir. Non, ouais, je sais, je suis comme ça, moi. Gars, pas subtil pour deux scènes. Allons-y, Patrice Cormier, écoute la nouvelle qui a fait toutes les manchettes cette semaine. Autant sur TSN que sur ESPN, même, ça a sorti un peu partout. Oui. La suspension est tombée hier. Avant qu'on en parle, on dit bonjour à M. JP Grenier. Bonjour, les gars. Comment ça va? Ça va bien, pas pire. Une grippe, mais. Regarde, t'es pas le seul. Moi aussi, je coule, t'as une fontaine. On est à notre poste, comme d'habitude. Ouais, on est responsable. Et voilà. Donc, la suspension est tombée hier. C'est une suspension, disons, l'exemplaire. Je pense qu'il n'y a personne qui va remettre ça en hésitation là-dessus. Là. Quand même, 25 matchs. Pas 25 matchs, mais saison série. On estime ça à quoi? À peu près une trentaine de matchs minimum? Oui, probablement. Il reste 30-35 matchs. Enfin, juste dans la saison, c'est 22 matchs. Donc, pour le reste, ça se continue dépendant après. Dépendant qu'est-ce qui va se passer en série pour les Huskies. Mais on, ça regarde bien. D'après moi, une première série qui va être quand même assez facile pour les Huskies. Donc, on passe à 4-5 matchs pour la première série. Ça fait déjà 27. Après ça, deux troisième série. Mais 35 matchs, là, à peu près. Ouais, 35 matchs. Moi, personnellement, je trouve, oui, je suis tout à fait d'accord. La transaction est exemplaire. Il faut montrer l'exemple dans le futur. La suspension, excuse-moi. Donc, c'est sûr, c'est exemplaire. On veut montrer l'exemple aux autres joueurs que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, des coups de coude comme ça. Mais moi, je pense, personnellement, qu'on devrait mettre un barème de matchs. Donc, on aurait dû peut-être dire, OK, Cormier, t'es suspendu 30 matchs, exemple. 30 matchs, bon, ben, si les Huskies réussissent à aller plus loin que 30 matchs, ben, c'est excellent, Cormier de retour au jeu. Moi, je pense qu'on aurait dû y aller en barème de matchs et non saison et série, personnellement. Okay. Je comprends ton point. T'as un point qui est très valide là-dessus. Par contre, j'ai l'impression que la Ligue junior majeure du Québec voulait pas leur voir point. Je sais pas ce que t'en penses, toi, JP. Ben, je suis d'accord un peu avec ce que tu viens de dire. Je voulais pas le revoir point. Ce qui va être de regarder, c'est que l'an prochain, est-ce qu'il va avoir le droit de revenir? Oui, ben oui. Il est suspendu saison série. Parce que là, on s'entend que... Mais il reviendra pas, là, de toute façon. S'ils se font éliminer en 4, la suspension est beaucoup moins grande que s'ils réussissent à aller jusqu'au bout, on s'entend. Là, même c'est, à la c'est ça, l'affaire. Sauf qu'en étant suspendu de même, je veux dire, le coup est donné là, dans le fond. Il y a pas, tu te dis pas genre ouais ok mais je sais pas comment dire ça, mais tu l'as, tu le sais, même si c'est pas dans ce cas-ci, c'est pas un nombre de matchs. Le message, c'est tu rejoueras plus de la saison point. Tu sais, en tant que tel, le message que je recevrais moi en tant que joueur, c'est gars, c'est fini, que ton équipe se rende au bout ou non. Tu sais, c'est comme tu sais, quand t'étais jeune JP, t'avais fait une niaiserie là. Ta mère elle t'a dit t'iras pas à la fête d'amis, là. Que la fête d'amis soit le fun ou qu'elle soit plate, tu y as juste pas été, tu comprends? Ouais. Tu sais? Et non pas au lieu de te dire je vais aller te chercher 10h à 10h au lieu que tu puisses coucher là. Les exemples sont toujours excellents. Vous comprenez mon exemple, là? Tu sais, c'est. T'as pas le droit. Là, il n'y a pas le droit de participer au party, tout simplement. C'est ça, moi, c'est ça que je retiens comme message là-dedans. Là, ce que je trouve bien, très bien, c'est les Devils du New Jersey qui ont dit que... Parce que là, c'était l'inquiétude de pas mal tout le monde. Il va être suspendu pour la saison. Fait que les Devils du New Jersey vont aller chercher. Il va jouer dans la Ligue américaine pour le reste de la saison. Lou Lamoriello a dit que non, il allait pas faire de mouvement pour ça. Cormier jouera pas, point, peu importe la place. Que ce soit... C'est-tu Lowell? Tu te rappelles-tu? C'est Lowell? Pas Lowell. Ouais, Lowell. Les Devils de Lowell ou à Trenton, à East Coast... Cormier ne fera pas partie de l'équipe en tant que tel des Devils avant l'an prochain. Si tu demandais la question, JP, est-ce que Cormier va être là l'an prochain, est-ce qu'il doit jouer? Oui, il doit jouer dans les Ligues majeures, mais d'après moi, ne reviendra pas. Là. Aussi bien pour lui que pour son développement, que pour le bien de la Ligue. Je pense pas qu'on va vouloir passer par un brouhaha à la saison prochaine quand il va revenir. Hein. De toute façon, avec le talent qu'il a, je pense qu'il est prêt à passer un autre niveau. Ben oui. Ça aussi, là, ça c'est un fait. Là, tu pourrais pas être plus précis là-dessus. Là. Donc, mais au niveau des matchs, il y en a qui Il voit-tu, il y a une nouvelle qui vient de sortir sur Corosport. C'est Sébastien Proulx qui nous envoie ça. Il n'y a rien qui empêcherait Cormier de jouer dans la East Coast ou dans la Central Hockey League. Parce qu'il n'y a pas d'entente entre la Ligue junior majeure du Québec et ces ligues-là sur les suspensions. Ça, c'est vrai. Tandis qu'il semble en avoir une, selon ce que je lis. Là, je lis ça là, rapidement, là, la nouvelle qui vient de m'arriver. Il semble en avoir une entre la Ligue américaine et la Ligue junior majeure du Québec, qui, eux, respecteraient la solution. Tout est Cormier, là. C'est vous, puis, tu sais, ton cas est déjà assez sérieux de même, puis, précaire. Moi, j'irais pas jouer dans ces ligues-là. C'est sûr que les gars vont le viser en plus là-bas, là, selon moi. Là. Mais toi, tu dis, parce que toi, pour ton développement, là. Ben, c'est ça, c'est quand même un bon bout de temps. Pour un joueur, c'est pas bon d'être inactif. Inactif de fin janvier jusqu'à août, septembre prochain, là. Ouais. C'est long, là. Tu fais très, quoi? Très long. Tu fais quoi? Tu joues dans la Ligue de garage à Tipeee-Tremblay? Tu joues dans la Ligue des As? Tu sais, des couches-tard ou peu importe, tu sais, je sais pas, là. Mets-toi à la place de Patrice Cormier, tu fais quoi, toi, JP? Non, moi, je resterais chez nous, puis j'ai un entraîneur personnel, puis je travaillerais ses points améliorés au niveau physique, là. Peut-être qu'il n'y a pas eu le temps nécessairement à se mettre en shape avec la saison de la Ligue junior majeure du Québec. OK, écoute... Moi, je ferais ça, là. C'est bon. Toi, Pierre-Luc? Ben, moi, personnellement, je pense que j'irais jouer là, dans une... Peu importe la Ligue, là. Pour pas rester inactif aussi longtemps que ça, parce que pour un joueur qui veut percer... Pour moi, c'est plus compliqué, l'Europe, hein, parce que... Eux, en Europe, ils ont un certain nombre de ce qu'ils appellent les joueurs importés, là, dans le fond, ouais, là. Mais peut-être ça. En plus, la saison se termine plus rapidement en Europe, là. T'es ça à la fin, là, dans pas trop long en Europe, là. Ça commence, c'est plus court comme saison. T'as galé en Europe, t'es aussi bien d'aller dans l'East Coast, là. Au moins, tu vas rester dans du hockey que tu vas pratiquer l'année prochaine, là. Mmh, ça, c'est certain. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se développer avec ça. Par contre, ça ferait du bruit en Simonac s'il allait jouer dans une des deux ligues, là. Ah, ça, c'est sûr qu'on entendrait parler. Ouais, mmh. Ça, on le saurait, mais on verra bien. Comme JP dit, ça serait probablement la risée aussi, là, dans cette ligue-là. Tu serais visé, toi, tu penses? Ouais. Okay. Ça, c'est certain. C'est bon. Donc, on va aller à la musique. On va aller écouter Graveyard Work. On va aller écouter Y'a-tu quelqu'un? Y'a-tu quelqu'un qui va décider quoi faire avec Cormier? On ne sait pas. Donc, on va voir. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Go to the Alors, c'était Groovy Hot Work avec Y a-tu quelqu'un, une petite toune qui nous ramène dans notre passé. Très bon Groovy, c'est plate, ça n'existe plus. Vincent Peake, le chanteur qui est rendu avec Grimmskunk, là, donc il est resté dans la gamme de la bonne musique personnellement. On y va avec différentes nouvelles de la région et d'un peu partout. Midget 3, Pierre-Luc? Oui, Midget 3, tout d'abord, les Estacades de Trois-Rivières, vendredi, qui étaient à l'aréna de Lévis, donc pour affronter les Commandeurs de Lévis. Victoire de 5-2 sur les Commandeurs, Simon Gervais, Vincent Marcoux, Benoît Marcoux, Philippe Minot et Nicolas Lévesque sont les buteurs. Donc, grosse victoire là, pour les Estacades de Trois-Rivières. Lévis qui sont justement juste en arrière d'eux. Donc, on les devançait de quelques points. Dimanche, on était de retour à Trois-Rivières au centre Alphonse Desjardins pour affronter Saint-Eustache. Victoire encore une fois de 4-2. Vincent Marcoux, Philippe Minot, Benoît Marcoux encore une fois et William Kane sont les buteurs. Est-ce que Vincent Marcoux et Benoît Marcoux sont les frères? Je ne sais pas, je me le demandais, j'en ai aucune idée pour être franc. Bon, on va regarder ça. Et Jimmy Appleby était le gardien de but qui était devant les buts pour les Estacades dans les deux matchs. Donc, deux grosses victoires là, pour les Estacades cette fin de semaine. Ils sont maintenant toujours au deuxième rang de leur division, derrière le séminaire Saint-François et devant les Commandeurs de Lévis. Donc, cette fin de semaine, justement, ils affrontent ce soir Lévis à Trois-Rivières et ils affrontent dimanche le séminaire Saint-François. Au centre Alphonse Desjardins. Donc, deux matchs là, importants contre des équipes de leur division. Donc, ça va être très, très bon là, cette semaine dans les matchs des Estacades de Trois-Rivières. Deux pour le Carongué. Les buts, Steve Larouche, Philippe Deblois. Ça, c'est Pont-Rouge. Après ça, Trois-Rivières a ouvert la machine. Mathieu Gravel, l'ancien Patriote, son 9e de la saison. Mike Ouellet, qui fait son 6e de la saison en deuxième période. Et en troisième, Yannick Ounoiseux et Louis Manville sont venus briser les reins du LOSG dans moins de 1 minute et demie pour faire 4-2. La victoire va à l'affiche de Mathieu Poitras. Mathieu, je pense. J'espère que c'est Mathieu, sinon j'ai l'air de nono. Hein? Non, c'est ça, Mathieu Poitras. Donc, c'est la victoire. Le 23, samedi exactement. Ils étaient à Jonquière pour affronter le Marquis du Saguenay. Et ils l'ont échappé 2-1 contre le Marquis. C'est Yannick Noiseux qui a ouvert la marque en deuxième période, son 14e. Mais par contre, c'était tout le Saguenay qui a continué. Marc-André Huot deux fois en deuxième et en troisième période est venu donner la victoire au Marquis et son gardien David Guerrera qui a stoppé 30 des 31 lancés. Au classement général, le Carongué, c'était bel et bien Mathieu Poitras en passant. Le Carongué est toujours premier à 33 matchs, 20 victoires, 7 défaites, 3 défaites en prolongation, 3 défaites en fusillade, 46 points. Le CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce leur chauffe les fesses à 45 points et le Saint-François 44 points. JP, tu nous parles football? Oui, c'est le Senior Bowl dans quelques jours au niveau de la NCAA. Ça, c'est un peu comme un peu le défi hors Cherry ou hockey. Oui, OK. Mais en tout cas, pour la NCAA, c'est ça, il y a beaucoup de joueurs à surveiller. Notamment, il y a des joueurs qui en profitent pour s'illustrer puis pour en montrer aux recruteurs. On regardait notamment Tim Tebow. Oui. Il pratiquait un peu. Dans le fond, là, chaque joueur a le droit à sa pratique devant les médias, devant les recruteurs. Puis ça a très mal aidé pour lui. Manquait probablement toutes ses passes, faisait des mauvais tracés avec ses pieds, puis ça allait vraiment mal pour lui. Donc, peut-être pas concentré? Non, c'est juste que ils font faire des affaires qu'ils n'étaient pas habitués de faire avec Florida. Uh-huh. On sait qu'ils jouent dans un système en parapluie, là, shotgun en anglais. Un shotgun, ouais, ok. C'est-à-dire qu'il n'est pas habitué de prendre. Dans le fond, partir les jeux de l'arrière. Ah, reculer, hein? Exactement. Okay. C'est très dur pour un carrière d'utiliser la technique, je m'excuse de l'anglais, là, mais 3 drop step, 5 drop step, 7 drop step, ça, c'est toutes des affaires que les carrières doivent maîtriser dans la NFL. C'est un petit peu anodin, sauf que s'ils veulent avoir du succès, il va falloir qu'ils maîtrisent ça. Puis, tu sais, les recruteurs, c'est sûr qu'ils n'aimeront pas ça. Donc, c'est dommage un peu pour lui. Sinon, il y a Urban Meyer. On avait dit que il avait quitté Florida. Ouais. Ben, il continue à se préparer pour la prochaine saison quand même. Il continue à engager les joueurs. Ouais, ben c'est ça. Là. Finalement, il avait changé d'idée puis il avait décidé de rester. Là. C'était pas clair. Là. Pour moi, il file juste pas. Là. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est parce que Florida n'a pas encore trouvé son successeur. Fait qu'il s'est dit peut-être que bon, je vais continuer pareil puis on va voir ce qui arrivera. Ouais, finalement. Mais d'après moi, il va garder son poste. Finalement, c'est ça. Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Moi aussi, j'ai l'impression que. Il va garder son poste, moi aussi. Il avait juste besoin de se relaxer un peu les idées et changer. Il va peut-être apprendre à déléguer, par contre. Ah, OK. Ça pourrait peut-être l'aider, ça. On parlait aussi que Boise State, TCU, c'était bien important pour eux d'aller dans les bowls les plus importants. Voilà l'importance. Il y a un record de 24 millions de revenus pour ces universités-là et cette année. Donc, ben, de revenus, c'est-à-dire que c'est l'argent que le BCS leur remet, ça. Exactement. OK. Donc, en participant à ces matchs-là, avec les revenus de télévision puis toute la publicité, c'est 24 millions dans leur poche directement. Donc, on comprend l'importance de participer à ces matchs-là. Ça donne peut-être la raison des balls aussi, là. Ben oui, ça c'est sûr qu'au niveau de l'argent, mais tu sais... Puis là, il disait, ça se peut-tu qu'il ait quand même reçu moins parce qu'il était pas genre... Ils sont une conférence pas BCS, qu'il a reçu moins que les autres conférences? Non, parce qu'Ohio State ont reçu moins cette année. Ouais, mais il était pas dans le même bowl, il était pas... Ah, mais ça dérange pas. OK, en tout cas, ben, j'avais cru lire ça, mais que, en tout cas, le BCS... parce que là, c'est devant le congrès, ça, là, un peu, là. Il y a de quoi qui fait qu'ils disent que c'est pas équitable pour toutes les équipes. Le congrès américain remet en question le BCS, donc... mais là, je veux pas me tromper, là. J'ai lu très en large là-dessus, mais... Peut-être en reparler la semaine prochaine. Tu regarderas ça, JP. OK. C'est bon. Hey, okay. On reste dans le football. Attends, t'avais-tu d'autres nouvelles NCAA? Non. Non, OK. On reste dans le football universitaire canadien à Québec, à Laval. C'est Justin Étier, le coordonnateur offensif, qui quitte son poste avec le Roger A. Il va devenir responsable des programmes sportifs à l'Université Laval. Quelle coïncidence. C'est Marco Iadeluca. Écoute, j'espère juste que je ne l'ai pas débaptisé. Là. Iadeluca qui va prendre sa place. Justin Étier qui était big. Là, que c'était la tête à penser en offensive chez le Roger A. Mais probablement que son salaire va être augmenté en travaillant pour l'université et non pas pour la corporation. Je ne sais pas si tu me suis. Oui. Puis c'est comme quelle coïncidence. Une semaine après que Benoît Groulx a décidé d'aller... à Bishop. Peut-être que Benoît il aurait voulu ce poste-là, on ne sait pas. Là. Ben, peut-être, mais je pense pas qu'il était prêt à y offrir de toute façon. Ah, OK. Fait que c'est mon impression. Puis c'est ce qu'ils ont dit aussi, là. Ça sentait. Benoît Groulx était pas prêt pour un poste de coordonnateur offensif à Laval, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, peut-être ailleurs, là, mais pas à Laval. Là. D'autres nouvelles, les Dragons du Collège de la Flèche étaient en action cette fin de semaine contre Saint-Laurent. C'était une victoire très, très, très convaincante de 12 à 2 pour eux. Donc, ça se continue, la Flèche qui dispute une bonne première saison dans le circuit 3A collégial du Québec. Et finalement, je ne sais pas si tu étais au courant, Pierre-Luc et JP, Shawinigan essayent d'avoir les Jeux du Québec pour 2012. Ouais, j'ai bon, vu ça. C'était hier qu'ils déposaient officiellement leur candidature, que les Jeux du Québec leur disaient si le comité, je ne sais pas, c'est... comment c'est Sport Québec qui décide ça. La candidature était très bonne, cette année, comparativement à l'année dernière. La dernière fois. Ben, ce qui arrive, c'est que maintenant, les infrastructures, ils sont bâties, contrairement à la dernière fois où ils étaient à bâtir les infrastructures. Donc, tu sais, le centre bien-être, ils ont des terrains synthétiques. Maintenant, ils ont plus de choses. Ça a super bien été. Normalement, 2012, Shawinigan devrait recevoir les Jeux du Québec de l'été. Ils n'ont pas d'opposition. Je sais plus c'était où l'autre ville. Là. Il y en a une qui s'est retirée du... Il y en a une qui s'est retirée, Rimouski, c'est plus-tu Rimouski ou je sais plus, qui s'est retirée de la compétition. Donc, il va rester Shawinigan contre Shawinigan et Shawinigan. Donc, normalement, ça devrait être la Cité de l'énergie qui reçoit les Jeux du Québec 2012. JP, tu as d'autres nouvelles, toi? Non. C'est tout? Bon, on va aller faire une pause. Au retour, on parle olympique. On va parler... Puis s'il nous reste tout ça, on va toucher à la série Québec-Montréal. C'est bon, ça? Oui. C'est good. Donc, vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Parez-vous de vos plus belles tenues de soirée.

get out. I've been running out. Now I'm running out. Don't be mad about it, baby. Bad Religion avec la chanson Infected, un classique personnellement de tout ce qui est musique punk à peu près. On a à peu près tous ceux qui ont écouté de la musique comme ça la connaissent très bien. Tu connais toi, JP? Oui. Hein, classique, classique, classique. Allons-y, monsieur G to the P, coach JP. Olympiques, sport olympique, qu'est-ce qu'il y a eu comme nouvelle cette semaine? On va annoncer vendredi le porte-étendard du Canada. Porte-étendard, c'est ouais. Le mot que je cherchais. J'avais... C'est beau, hein? C'est beau, c'est de la musique, étendard. Ça fait patriotique. Ben écoute, là, ont-tu soumis à peu près qui c'est que ça pourrait être, d'après toi? Là, ils ont nommé quelques noms. Clara Hughes, la ouais, patineuse ah ben de oui. Longue piste. Il y a le je sais pas comment on appelle ça, un bobsleigher. Le pilote de bobsleigh. Le pilote de bobsleigh. Pierre Luder. Ouais, OK, ouais. Il y a la joueuse hockey Wickenheiser Haley de son prénom. En tout cas, à date, c'est trois gros noms, là. Ouais, il y a le skieur de fond aveugle, Brian McKeever, ainsi que le patineur de tête, Jeremy Waterspoon. Ça, c'est ceux qui sont favoris, d'après toi? Ouais, c'est ça. D'après moi, ça va être Clara Hughes. Ouais, mais moi, tout, j'ai une bonne impression là-dessus. Mais, je pense aussi que Wickenheiser a une bonne chance, là. Ouais, mais, tu sais, c'est parce que là, c'est qu'en 2000... Mais c'est ça, là. Hughes, ça va sûrement être ses derniers jeux. Ouais. Wickenheiser, je pense qu'elle pourrait revenir à... Ouais, Wickenheiser, c'est la meilleure. Elle peut jouer jusqu'à 60-70 ans. C'est ça. On le souhaite. En 2032, elle va être encore là. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Quand il n'y aura plus de glace, on va tout être mort. Là. Hey, un bobard. Un bobard. Pierre Loudeuse. Merci, Sébastien Proux. notre chercheuse à distance. Fort, un bobard. Mais, c'est qu'en 2006, c'était Daniel Goyette qui avait le. Qui était la porte-étendard, ouais, c'est qui ça. Qui était, je pense, l'athlète la plus vieille aux Olympiques. Ah, pour le Canada, là. Peut-être. La doyenne. La doyenne, ah, peut-être, ouais, peut-être. Fait que moi, je dirais que peut-être qu'ils vont y aller dans un autre sport. Je pense que Clara Hughes, c'est un excellent choix. Excellent elle choix. Elle bien le pays, puis en plus de top niveau. Waterspoon, je veux pas. Parce qu'il choke Waterspoon tout le temps. Puis tu connais le... La gang du porte-étendard, hein? Là. Ouais, la fameuse malédiction du porte-étendard, où est-ce que Jean-Luc Brassard avait eu du trouble, Nicolas Gill avait rien gagné. C'était qui en 2002, tu te souviens-tu? Non. Ah, ça va être Jamie Solé puis David Petit. C'est une possibilité. Donc, non, ça va être intéressant vendredi. Ils ont-tu l'heure à peu près? C'est peut-être sur TSN. Trois postes de large sur CTV. Ça doit être sur l'heure du midi habituellement. Non, 5h30 p.m. Sur CTVOlympics.ca et RDSOlympique.ca. Donc, c'est ça. C'est pour ça. Hey, mais toi, tu t'en parlais de Brian McKeever. Il est aveugle également, mais il va faire l'équipe canadienne. Mais Mais là, ce que je comprends pas, ben, c'est sûr que ça va être en paralympique, là. Non! Non! Ben là, comment il fait pour... Je sais pas, je sais pas. Il les a fait des paralympiques, puis il vient d'être choisi sur l'équipe, sur la grosse équipe de ce qu'ils te font. Ben, il doit être bon, là, parce que... Ben, ça, je leur mets aucunement en question. C'est juste que je comprends pas comment il fait. Mais là, y a-tu des tracks, genre, ce qu'ils te font? Bon, des fois, oui, mais là... Écoute, j'entends. Tu sais qu'il faut qu'il monte une côte, là. Il n'y a plus de track, là. Ouais, mais. Moi, j'en ai fait du ski de fond, là. T'as bien beau avoir la track, là. Si tu veux en sortir de la track, t'es capable. Ouais. Ben, ça dépend si c'est du ski de patin, ou je sais pas, là, au niveau de la technique, là. Je suis pas un expert, là-dedans, là. Je pourrais pas dire, là. Sauf qu'en même temps, crime, je sais pas, là, mais c'est comme. Un pilote de F1 aveugle, là. Ouais, pouce égal, là, mais ça pas trop, là. Non, non, mais un coureur automobile aveugle, là. Tu sais, je veux dire, crime. Je sais pas, là. Reviens-moi là-dessus la semaine prochaine, s'il te plaît. Je veux savoir comment il fait. Je veux savoir comment il fait. Ouais, je veux absolument savoir comment il fait. Ouais, toi, tu pensais que c'était pour les Paralympiques? Ouais. Non, non, non, non, non. Non, non, le gars, il est vraiment. Ouais, ben, ouais, il doit être bon. Ben, gars. Je remets aucunement ça en question. Il parce doit que, être. Par exemple, le Chantal Petitclerc, c'est pas lui qui l'avait fait cet été, même l'été passé à Turin. Pas à Turin, en Chine, là, à Pékin. À Beijing, Pékin. Ouais, mais... Non, mais elle, Chantal Petitclerc, elle compétitionnait pas... Elle compétitionnait contre des gens en chaise roulante, là. Ouais. Tu comprends? Tu sais, c'est comme un sport, eux autres. T'as pas le choix, tu sais. À moins que quelqu'un soit vraiment en cave puis qu'il compétitionne en chaise roulante quand il a ses deux jambes, là. Quand ses deux jambes sont fonctionnelles, là. Ben, il y en a qui jouent au basket en chaise roulante. Ouais, basket, ça arrive plus souvent. Ils ont le droit, c'est ça, la différence. T'as le droit? Ouais, t'as le droit. Voyons. Mm. Ben, au basket, là, pas dans tous les sports. Là, mais ouais, mais t'as deux jambes, ils marchent. J'essaie de jouer du vrai basket. Non, ok, luge, là. Il y en a qui ont des jambes, Nick. Là. Mais je sais qu'ils ont des jambes, mais ils doivent pas marcher. Non, non, ils marchent vraiment, là. Ça me révolte! Je sais pas, moi. En tout cas, c'est moi, mais j'ai deux jambes. J'essaie de jouer du hockey normal, non? Ah, c'est vrai. Ah, mais j'imagine ça, c'est pas ce qu'ils voudraient. Les gens qui ça, ils voudraient pas, sûrement pas m'entendre dire ça, là. Ils doivent plus se dire comme « Non, non, mais gars, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde. C'est un sport différent, mais c'est juste qu'il y a plus d'handicapés qui y jouent. » Mais c'est bon, écoute, c'est correct. Prochaine nouvelle, change d'eau, là, parce que je suis le choc, là. Pour te sauver la face. Ben ouais, sauve-moi ça, cette face-là. OK, all right. Ben, dans le fond, là, on a appris cette semaine que on sait que les athlètes, selon le Canada, quand, mettons, toi, Nicolas, qui compétitionne dans le ski de fond, tu gagnes une médaille, tu reçois de l'argent de... du Comité olympique canadien. C'est nouveau de cette année, ça, hein? Ou de 2008, tu te souviens-tu? Je sais qu'à Pékin, on le faisait. On le faisait, OK. Fait que je pense que 2006, on le faisait pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est nouveau. Ça va être la première fois cette année aux Jeux olympiques d'hiver. Je sais que les États-Unis, eux, font ça depuis longtemps. Ben oui, puis tous les pays, il y a des places, c'est à coût de 100 000, 200 000. Puis des pays pas riches, là. Mettons, la Roumanie là, va gagner une médaille d'or en Roumanie. Là. Nadia Comăneci, là, en 76, là, elle aurait fait 1 000 000 à peu près. Donc, les montants, c'est 10 000 $ pour le bronze, 15 000 pour une médaille d'argent et 20 000 pour l'or. Okay. Donc, et là, on a appris cette semaine que même les joueurs de hockey sont éligibles à recevoir ce montant-là, ce qui est normal, sauf qu'en même temps, il gagne déjà des gros millions, montants. Hein. Ben, tu sais, l'argument de pas des joueurs là, en tant que tel, mais du comité, c'est que ils sont pas payés pour aller là, puis ils sont pas payés pour jouer au championnat mondial, puis ils sont pas payés pour jouer au championnat junior. Ils vont dépenser en masse pour leur famille qui vont être là, puis tout. Sauf que en même temps, là, comme que y a un architecte qui disait. Il y a comme 3 joueurs qui font en bas de 3,5 millions par année là-dedans. Ah, boy. C'est quoi, là? Ça représente quoi? 2 semaines de temps? 2-3 semaines de dépenses, là? Ouais, je comprends. Je veux dire, Mike Camilleri qui va aller à Cuba, il va dépenser autant, là. Ah non, Camilleri va dans un tout inclus à 1 200 $, pas plus. Ah, OK. il revient tout bronzé avec des petits cadeaux. Ah non, je le connais pas, Mike, là, j'ai dit ça. Oui, OK. Mais de toute façon, j'imagine la plupart des joueurs de hockey, sinon tous, vont donner le montant. Si jamais ils gagnent une médaille, ce qu'on l'espère, là, qu'ils vont donner le montant à une œuvre de charité ou quelque chose. Là. Non, ça, c'est officiel. Sauf que c'est juste le principe que, tu sais, c'est pas eux qui en ont le plus besoin. Sauf qu'en même temps, ils font comme tous les autres athlètes, partie de l'équipe Canada. Donc, c'est normal qu'ils reçoivent ça, là. Sauf qu'en même temps, ce que je trouve ça con, c'est que c'est 20 000 par joueur. Ouais. Tandis que si, admettons, Alexandre Bilodeau, il gagne, c'est juste 000. Lui, genre, qui gagne le 20 000. Ouais, mais tu peux pas faire la différence parce que ceux qui font de la luge à deux, tu sais, le sport le plus douteux de tous les Olympiques, là, de la luge à deux, là. Tant qu'il y a pas de. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, là? Gare, en tout cas. Moi, personnellement, le gars qui a décidé, regarde, first, là, okay, la luge, point, là. Hey, les gars, j'ai une idée. Tu sais bien ce qu'on va faire? M'a pogné un petit traîneau, là. M'a mettre un soude bien serré qui laisse zéro place à l'imagination. Puis m'a mettre en premier, là. M'a mettre les pieds en premier, là. Le sac premier lors d'un contact, là. Puis je vais descendre une piste à 200 km/h. Puis toi, est-ce que tu serais en dessous ou par-dessus? Hey, c'est une calvaire de bonne question. Je ne sais pas quel. Non, je préfère être en dessous pour être frais. Ah, ok. Malgré que t'es écrasé un peu par la pression. Qui... Gars, je ferais d'autres sports. Je ferais d'autres sports. Je suis plus. Je sais pas. Peu importe. Patinage artistique. Ouais, ouais. Même à ça, je trouve le patinage artistique beaucoup plus viril que la luge à deux. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, t'as-tu, genre, au niveau de l'aérodynamisme, là, mettons, là, tape-tu le moton, genre, pour que ça soit plus aérodynamique? Faut-tu qu'ils mettent une forme là-dedans? Y a-tu un aileron? Y a-tu un jackstrap? Ouais, y a-tu un aileron, genre, de placer sur, sur son jackstrap, mettons, comme... La semaine prochaine, c'est ça, notre sujet. Ouais, ouais. Salut, j'adore. Ah, oh boy. OK, on a totalement sorti. Changeons de nouvelles, là, avant qu'on continue à parler de luge à deux. Ah, ben, c'est ça. C'était pas mal ce qui concluait cette semaine. OK, là. Bon, c'est correct, ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis choqué, là, de toute façon. Là. J'ai de la misère avec l'émission de cette semaine. Là. Trop de sujets qui me révoltent. Hey, Pierre-Luc et JP, Pierre-Luc, t'as écouté la fameuse série Québec-Montréal qui a débuté. Une partie. T'as-tu regardé ça, toi, JP? Non, toi puis moi, on regardait le football, ça. Hein? Ouais, j'ai regardé le football à la place. Ouais, bon choix. Parle-moi donc de ça a l'air de quoi, ou juste? As-tu juste c'est là, de quoi qu'on parle le matin? Québec-Montréal? Ou de Québec-Montréal? Ouais, mais football, c'est parce que c'est la NFL, là. On laisse ça aux autres, là. Ouais. Ben écoute. C'est quoi, il va-tu avoir des joueurs en bédaine dans les 7 jours? Ça va être quoi, ça? c'est-tu une gamique? Non, je pense que c'est une certaine rivalité qu'on veut créer encore une fois entre la ville de Québec et la ville de Montréal. Et je pense que ça va raviver, là, en quelque sorte, la rivalité entre les Nordiques et le Canadien de Montréal. C'est sûr que c'est une série de télévision, là. Faut pas capoter non plus avec ça. Mais je pense qu'ils vont vraiment donner un très bon show. Dans le fond, dans l'équipe de Québec, j'ai quelques joueurs même qui sont très connus. Je sais pas si tu te rappelles, Nicolas, du gardien de but. En partant, quand t'as dit très connu, là, j'en doute fort. Ben, très là, connu, faut s'entendre. Là, mais des joueurs, exemple, qui sont excellents au hockey, mais qui n'ont pas réussi à percer vraiment dans le professionnel ou en Europe, etc. Je te donne un exemple, le gardien de but, Julien Walsh, un ancien gardien de but des Tigres de Victoriaville, okay. Qui fait partie de la série, qui joue pour l'équipe de Québec. Quelques joueurs aussi qui ont passé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je sais que j'ai vu des gars qui ont joué dans la Ligue nord-américaine. Là, ça prend des filles puis des. Ça prend des filles, des. Il y a une certaine. Des âges aussi, donc on a. Un 40 ans et plus. Oui, des filles. Gardienne de but, là, la fille, là, excellente. Gardienne de but du côté de Québec. Et je pense qu'il y en a une aussi du côté de Montréal. C'est la position que j'aurais été, là, tant qu'à mettre une. Ouais, c'est ça. Tant qu'à mettre une fille, on va mettre gardienne de but. Ils sont bonnes, ils sont les filles. Très bonnes. Ouais, ouais. C'est, garde, oui, ils sont excellentes. Charline Labonté a gardé quoi, une trentaine de games dans le jeu majeur? Si on pense à Manon Réaume aussi, qui a été la première Manon gardienne Réaume, de c'était but. C'était une gimmick plus que d'autres choses. Hein. Une gimmick? Manon Réaume, là, c'était une pub. Là, elle jouait à Trois-Rivières. Là, elle a gardé deux matchs. Un match pour Tampa Bay, je pense. Puis après ça, tout de suite à Tampa Bay. Puis elle a fait une période dans un match exhibition. C'était une publicité. Là. C'était une mauvaise gardienne. Là. C'est pas ce que je dis. Là. Mais quand même. Elle avait pas d'affaires là au niveau performance. Mm. Tandis que Charline Labonté, qui gardait les buts juniors majeurs avec Acadie Batters, elle a mérité d'être là. Puis Kim Saint-Pierre, elle n'a jamais gardé juniors majeurs, mais c'est une excellente gardienne. Ouais. Ça, j'aime pas cool. ça. Toi, JP, tu penses quoi de cette émission-là? Tu connais ça? Moi, je trouve ça un peu... Comme la chanson, là, tu te lances dans le sport. C'est-tu la première? Je me demande, y en a-tu d'autres des téléréalités sportives comme ça? Parce que c'est quoi le prix? Là? Tu gagnes quoi? Ben, je pense que c'est comme 10 000 $ à tous les joueurs, puis ils ont un bonus de comme 25 000 pour l'équipe. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Là. Ce serait déjà ça. Bon, bon, sauf que moi, là, je trouve ça tellement con, le concept. C'est quasiment Star Academy, mais à la place du monde qui chante, c'est des joueurs de hockey. Là. Ouais, ben, je trouve que le concept il est quasiment mieux. Ouais. Je veux dire, on est en 2010. Là, la rivalité Québec-Montréal s'est rendue quoi, là? Ben, je te dirais que, là... Il n'y a pas de rivalité. Là, c'est comme Québec, c'est une très belle ville. Puis, c'est quasiment le plus fun d'habiter là qu'à Montréal. Puis, je trouve ça tellement, là... C'est comme... Je te dirais que, là, 10 ans, Québec était tellement rendu comme écrasé qu'il n'y en avait plus de rivalité. Mais là, depuis... 3 ans à peu près, Québec qui crie sur tous les toits, puis regardons, Québec est là, Québec, c'est, ils font ça, c'est mal fait, Paul McCartney, puis Red Bull Crash Test, puis c'est donc beau Québec, puis. On regarde le Snow Jamboree cette fin de semaine. Ouais, Stoneham, pas Stoneham, ça a été en ville. Non, mais t'avais des épreuves à Stoneham. Ouais, à Stoneham aussi. T'avais mais... Big Air en ville, mais le reste à Stoneham. Ouais, c'est ça. Ça a été une très grosse foule. Très gros événement. Ah, mais vraiment, je sais pas. Écoute, je sais pas quoi penser. J'haïs ça, moi. Une télé-réalité avec le sport, là. Ça n'a pas sa place. C'est parce que avec toute télé-réalité, t'as du fake, là. C'est du gros fake, là. On s'entend, là. Star Academy, puis American Idol. Bon, tu vas chanter telle tune parce qu'on dit chanter celle-là, puis habille-toi comme ça, puis fais tatatatata. Occupation double ou d'autres, love story. Bon, ben, couche avec lui, couche avec elle, puis on va y matcher ensemble. Mais là, arrive là-dedans, c'est du hockey. Tu fakes pas du hockey, là. Non, les games sont pas fakés, Nico. C'est ça, je te dis, tu fakes pas du hockey, mais. T'as pas, je sais pas, là. Ils ont le droit au contact, là. J'ai pas de la peur, c'est des excellents athlètes pour la plupart. Ils ont pas pris des deux de pique, là, on s'en rend. Non, vraiment pas, là. Mais c'est plus ce qu'il y a autour de l'émission, genre... Ouais, c'est ça qui m'écœure, moi. Il connaît quoi au hockey, lui? Bon, je sais pas, je dis pas qu'il connaît rien au hockey, j'en ai aucune idée, pour être franc. Mais tu sais, je veux dire, c'est tout ce qu'il y a autour. J'ai comme... J'écoutais le football dimanche soir, puis pendant les pauses, j'allais écouter ça. Ouais, moi tout, j'ai switché 2 minutes, 3 minutes. Puis c'est comme... C'était un spectacle de variété, là. Mais c'est comme les coachs, c'est Michel Bergeron, Carbonneau, c'est... Jean-Luc Laporte. En tout cas, on va voir, gars, je vais laisser la chance aux coureurs, on sait jamais. Le monde, il y a du balotage, puis c'est quoi ça, là? Ouais, t'élimines des joueurs, puis... Gars, je vais laisser la chance aux coureurs. C'est pas clair présentement dans ma tête, puis je dirais que ça m'intéresse pas. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être que ça va attirer justement les gars qui sont pas intéressés par Star Academy, mais pour l'instant, c'est non dans ma tête. Ça, c'est comme ma mère, elle écoute jamais ça, le hockey, sauf que là, elle va suivre ça, puis elle va triper, là, c'est comme... on va arrêter ça là. Je te remercie beaucoup, JB. Merci, boys. Une bonne semaine. Salut, bonne semaine. Calendrier, hockey, Patriotes sont en action demain soir contre Concordia. C'est ici à l'Arena Claude Mongrain. C'est à 19h15. Ils jouent aussi vendredi à Ottawa contre Ottawa. Ottawa qui sont genre derniers là, dans le classement. Donc, c'est pas des matchs très difficiles en fin de semaine. Il faut pas en échapper parce que sinon, ça va être brutal. Et les Patriotes vont aussi affronter Carlton, par contre, samedi. Carlton, c'est à Ottawa, l'Université Carlton. Donc, à 15h à Ottawa. Natation, c'est la Coupe universitaire à l'Université McGill. C'est 4 Patriotes qui vont tenter d'obtenir leur standard provincial en vue d'une participation au championnat provincial universitaire qui va avoir lieu le 13 et 14 février prochain à Laval. Marie-Noël Folco et Sean Campbell, bon, ils font une progression, on va voir ça. Annie-Lorraine Jolicoeur et Sébastien Truchon aussi vont se tenter de se classer. Et soccer intérieur, c'est dimanche, c'est contre McGill, c'est à Saint-Eustache, 15h30 pour les femmes, 17h30 pour les hommes. Hockey Junior, Pierre-Luc. Hockey Junior, les Cataractes sont en action vendredi et samedi. Ils reçoivent tout d'abord le Drakkar de Baie-Comeau vendredi et les Moussets d'Halifax samedi. Donc, les deux équipes qui, pour l'instant, bataillent pour une place en séries éliminatoires. On les reçoit au Centre Bionnes. Les Tiques de Victoriaville sont du côté des Maritimes cette semaine, alors que mercredi, ils sont à Bathurst. Jeudi, ils sont à Moncton. Donc, un autre affrontement entre les Tigres et les Wildcats. Samedi, dimanche, ils sont au Cap-Breton. Donc, deux matchs back-to-back au Cap-Breton. Et les Voltigeurs de Drummondville, quant à eux, recevront les Saguenay-Chicoutimi jeudi au Centre Marcel Dionne. Et dimanche, ils recevront la visite des Maniacs. Et finalement, les Dragons du Collège de la Flèche reçoivent vendredi le Collège Harrington d'Oka. C'est à 20h. C'est au pavillon Claude-Mongrain. C'est ce qui conclut les conduites de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On cesse en musique avec El Motor, la chanson Hippocampe. Merci beaucoup d'avoir été là. Inconduitdeparti.com pour nous rejoindre. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde.